Nos collaborateurs tous rassemblés se commémoraient Noël afin d'en discuter. Vos balado-diffuseurs enfin réunis, nous vous livrons donc ceci. Geek Collectif, épisode 6, spécial Noël. Ben en fait, on était déjà live. Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, épisode 6, le spécial de Noël. Comment t'aimes les décorations, Milton? Moi, moi, j'aime ça. Les petites boucles rouges, c'est comme ma décoration préférée de toutes les décorations de Noël. Là. Good, parce que tu sais, je sais que c'est en site, tu chiales un peu sur Noël, fait que je me suis dit, je vais y faire un calembour. Mais... Non, ben, il n'y a pas personne de toute façon qui est dedans encore. Là. Tant qu'il n'y a pas de neige, le monde ne sont pas de même. Ils sont pas dans l'esprit des fêtes. Non, tout, fait que... Effectivement. Ton arbre de Noël, es-tu monté? Moi, il est monté depuis mardi, fait que le 4 décembre. Le 4 décembre au soir? Le 4 décembre. C'est toute une limite. De... Moi genre, je dis, au début, j'ai monté à mi-novembre. Je me suis rendu compte c'était tout de bonheur. Mi-novembre, c'était un peu agressif. Mais quand, ouais. quand tu commences avec mais à cette heure, c'est agressif. Ouais. Avant, c'était moins mal vu. Moi, dans le temps que j'étais dans les magasins, il y avait du monde qui venait me voir la semaine après l'Halloween, la première semaine de novembre, avec des listes, puis ils commençaient leur cadeau de Noël. Ouais, c'est un bon moyen, si tu n'as pas vu dans la folie de Noël, que tout le monde se garoche si partout. Si tu veux donner des cadeaux par mais à cette heure, le monde, il attend la neige, on dirait. Des cadeaux passés date. Là. Ouais, j'ai acheté des pogs, là. T'as tout ça? C'est encore en mode. Il y a eu le temps de les acheter ou quelque chose de même. Ouais, c'est sûr que c'est un risque à prendre. À cette heure, moi, en tout cas, puis pour avoir été encore dans les magasins après ça, je voyais le monde circuler. De plus en plus, puis à un moment donné, c'est genre dans une semaine, là, ça va être l'enfer d'un magasin. Ouais, c'est dégueulasse. M'excuse, mais être sur le terrain, personnellement, ils ont déjà créé l'enfer cette année. Là. Ah ouais? Ben, c'était plus Black Friday. L'affaire Black Friday, là, de la merde, là, ils ont créé deux Boxing Day, je sais pas à quoi ils pensent, mais on dirait que le peuple, tu dis achète, puis tout le monde a l'acheté. Il y a plus de deals au Black Friday. C'est bien de rabais, oh, j'achète. Ah, c'est fou. Ben, oui, tu sais, le pire, c'est que ça va être stimulé sûrement vers la première neige, tu sais. Ouais, ouais, là, il y a de la neige. Oups, c'est vrai, je suis en retard. Faut que j'aille le dépenser. C'est ça, carrément, ça. Non, même les cadeaux, man, tu vas voir quand la neige va rentrer. C'est bientôt trop tard. C'est le 15. T'as pas encore mettre tes pneus? Non, non, ils sont posés, mais j'ai tout le temps comme... C'est quoi la date? Si tu le dis jusqu'à novembre? J'avais tout le temps en première semaine de novembre, parce que je suis sûr que j'ai pas de problème, puis j'ai pas de rush, puis que le monde se garoche pas. Puis... Je pense bientôt, que... il y a tellement plus de neige qu'il n'y a plus besoin de pneus d'hiver dans une couple d'années. Ça va juste prendre des chenilles. Puis je pense qu'on va être bien vieux quand ça va arriver. Ouais. Ça. Ouais. Ben, tu sais, 34 ans, ça va être 15 janvier. Là, genre. Il va neiger de janvier à mai. Parles-tu de réchauffement de la planète? Non, mais c'est... On parle-tu de la fin des conifères? Je sais pas, ça finit pas tout le 21 décembre de toute façon. Les conifères? Non, tout. Ah, ok. Ouais, ouais, mais c'est sûr, je pense que c'est la fin. Là. Surtout les. Ouais. Les premiers à pogner au feu. Je me suis juste rendu compte que le 20 décembre, c'est un temps de publicité parfaite pour la fin du monde. Puis on va en boire le 20. Confirmé. Une plug de fin du monde. Mais écoute, ça... Non, mais il a ride au bout, la fin du monde. Unibrew, ils ont décidé de capitaliser là-dessus. Fait que t'es en train de me dire qu'Unibrew. Publicisent beaucoup la fin du monde, puis ils veulent du marketing, puis qu'on aime la Unibrew, là. Ben, j'aime la Unibrew. Oui. C'est un bon placement de produit, je trouve. Ouais, c'est excellent. Hein. Ben, écoute, peut-être que... Finalement, on en veut de la Unibrew. Si vous nous écoutez, on en veut. La fin du monde, gratis. Unibrew, je peux vivre là-dessus. Ben, le pire, c'est que, tu sais, de la bière, c'est du pain liquide, quand tu y penses. Du pain liquide? Oui, du pain liquide. Ça l'est, c'est du blé, quelque part. De même. Donc, Noël, c'est starté, les parties de bureau, toute la kit, ça explique un petit peu le retard de 3 jours. On s'est engagé à faire ça aux 2 semaines, on n'est pas super, hein? On va être... Ouais, en fait, c'est 2 jours ouvrables. Donc, ouvrables. Très important dans la phrase. Ça va faire un bon commencement de semaine pour bien. Ben oui. Ils vont aimer ça. Ils vont commencer leur semaine avec nous autres. Puis après ça, ils vont réaliser, hey, faut que j'achète des cadeaux. Puis des affaires de même. Puis... Quand il va neiger. Ouais, mais qui neige. Mais il annonce pas de tempête à soir, justement? Peut-être, ouais. Ouais. 25 centimètres. 25 centimètres? Il va être plein de neige partout. Hey, honnêtement, là, moi, je veux qu'on fasse de quoi? S'il y a de la neige avant qu'on finisse le podcast, là, on va faire une bataille de boules de neige. On le verra pas. Mais non, bon, on va, bon, j'avoue, dans le sous-sol ici, on verra pas grand-chose. Oui. Hein, André, il va y avoir des belles photos sur Instagram d'une boule de neige d'en face. Ouais. Ouais, avec des filtres puis toute la quête là. Envoyez-nous vos photos de neige instagrammées sur notre fanpage. Ben, j'en ai déjà une de faire. Mais non, mais là, live là, on vient de coller la shot. C'est sûr que quelqu'un va mettre une photo de neige jaune. Ouais. C'était quand même Instagrammé. Oui, effectivement. Sinon, ce qui s'est passé cette semaine, qui veut se mouiller? Neige mouillée, t'as pas dit? je veux bien commencer. En fait. Mais c'est pas quelque chose qui s'est passé cette semaine, c'est plus une constatation que j'ai faite il y a 5 ans. Puis t'en parles aujourd'hui? Ouais. Ça m'a bugué parce qu'on en a parlé un peu sur le Geek Collectif. Puis j'ai dit, bah, cet après-midi, j'ai pas de sujet. Fait que, controversé. Bon. Non, on parlera pas de Pat LaFrance. Juste pour vous dire. Good. C'est déjà trop dit. Ça bien, ouais. Fait qu'on passe au prochain. Moi, j'ai parlé de nos émissions de jeunesse. Qui, pour moi, c'est une grande influence geek parce que ça fait partie du fameux monde japonais. J'ai eu une constatation d'environ 5 ans en regardant des vieilles émissions des aventuriers de l'espace que toutes les émissions que j'écoutais avec la famille sont d'origine japonaise. Vraiment, quasiment, le trois quarts du contenu qu'il y avait avec la famille était japonais. Puis, ça m'a vraiment choqué. J'ai eu vraiment un choc. J'étais comme, waouh, tu sais, comment que ça s'est rendu au Québec, puis tout ça. Je trouvais ça très spécial. Puis. Ben, c'est la France. Vas-y, arrête. Non, c'est juste parce que je vois Melter, puis là, je me dis, c'est. Non, mais il doit y avoir quelqu'un. C'est qui name drop Bébé Geneviève, là? Je le voyais, je dis, il va dropper, il va faire de quoi, si tu peux pas. Non, non, mais il passait Bumbo pareil pendant. BBU et Geneviève-vous. Mais il y a juste moi qui ai remarqué ça, mais justement, dans ces années-là, tu sais. Tu sais, pas tellement sûr si c'est japonais ou pas tellement sûr si c'est genre les Mexicains qui essayent de faire le même art style. Mais non, c'est ça, justement. Moi, j'ai constaté ça parce que justement, tous les arts, le artwork de ça était semblable. J'étais crée, me semble. Toutes les émissions, j'avais un doute, je l'ai googlé. Puis, oui, la plupart j'ai trouvé des vieux, j'ai trouvé weird, sérieux. Là. Mais j'ai c'est ça, parce plate, que c'est très différent des émissions québécoises qu'on avait dans le temps. C'est deux mentalités différentes. Tu sais, comme justement, les aventures d'espace, comme je parlais, c'est du collectif. Il y a une scène dans une émission que tu vois Giraffe qui va se pendre dans une émission qui est un public visé de 6 à 12 ans. Les aventuriers de l'espace, ça t'appelle Giraffe. Il est parti dans le ciel pour voir d'autres pays. Ouais, c'est ça. OK, moi, je pensais qu'il était une fois à l'espace. Non. Puis, c'est ça, je voulais juste vous donner des noms. Comme, il y a aussi dans Les Alpes avec Annette. Ça t'appelle comment? Dans Les Alpes avec Annette. Oh, boy! Tu sais comment ça s'appelle en japonais? Harupusu Monogatari Watashino Aneto. Je l'écouterai plus demain, moi, peut-être. Dans ben, Les Alpes avec fait, Annette. C'est ça, fait que c'est tous ces noms-là. Les Alpes avec Annette, je ne laisserais pas mes kids écouter ça, ben, je pense. Ça sonne soit très mais enfant très ou très pornographique. Minifé, c'est japonais. Minifé, ça sonne Le Petit Casseur, c'est japonais. Ben ouais, oui, les Cités d'or, c'est japonais. Astro, c'est japonais. Maya l'abeille, c'est japonais. Moi, je vais faire fait que c'est toutes les émissions que moi, je regardais quand j'étais jeune puis que j'avais une attirance pour, c'était des émissions japonaises. C'est des émissions faites par les Québécois, à part Robin Stella ou des affaires comme ça. Hey, Robin Stella, en passant. Mais deux filles. Les deux filles, hein. Les deux filles, pas, c'est deux chicks. Tu peux pas le mentionner. Deux chicks, c'est un grand mot. Non, mais écoute, OK, moi, j'étais en situation, OK. T'as comme une émission de jeunesse. Je l'écoutais en anglais. Ouais, mais c'est ça. Mais moi aussi, je pense, quand j'étais plus jeune, c'est en anglais, mon frère. Fait que t'as un gars pis sa meilleure amie de fille. Pis là, eux autres, ils ont des places de fun. Ils ont un tunnel qui connecte les maisons. Ils ont un gros cheval géant. Tu peux rentrer dedans pour le Tu tripes. Là, tu fais, eux autres, donc bien chanceux. Mais maintenant, t'apprends que Robin, ben finalement, c'est Robin. Ouais. Bon, OK. Y avait-tu le... Mais pas dans l'émission, là. Y avait juste dans la vraie vie, là. Non, Chiquan, c'est dans Watatata. Okay, ouais. Non, mais il y en avait un. Oh non, excuse-moi, c'était Barba. Attends, Chiquan, c'était une femme. Barracuda. Barracuda, c'était le Chiquan de Robin. Ouais, Robin, c'est ça, c'était Chiquan, c'est ça. Chiquan était dans Watatata. Mais c'était le même acteur. Ben non. Oui, ouais, il y avait Julien Poulet qui était Poulet. Julien Poulet, il jouait là-dedans. C'est ça, il jouait là-dedans, lui. Ouais, c'était le père, il me semble, de Stella. Oh boy. Les Barba Papa, eux autres, c'est pas japonais, ça? Oui, c'est japonais aussi. Okay. Fait que toutes les. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes mes émissions que moi j'ai un attendu. Alinea, non, ça c'est. De quoi ça? Alinea, non, ça c'était. Non, ça c'est italien, oui. C'était juste weird. Il y avait quoi d'autre? Ça vient pas de nulle part, c'est juste. Bumbo est japonais. Bumbo est japonais. Mais fait que toutes la, les la forêt, il y avait-tu la forêt verte? Les contes de la forêt verte, c'est japonais. Japonais, ouais. Okay. Taro, c'est japonais. Ben, c'est le train, ouais, qui voyage dans le temps, ou le train dans l'espace, c'était quoi ça? Ah oui, ça, je sais quoi. Ah, ça joue à PBS, ouais, c'est ouais, ouais, ouais, la fin. Ça, c'est, ça, je pense que c'est japonais. J'écoutais moi avec, c'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, c'est pour ça pour dire que moi, j'ai compris maintenant pourquoi j'ai une certaine attirance envers les mangas et les animés de mes jours, c'est parce que ça me rappelle peut-être un peu mon enfance, puis c'était le même genre de... Parce que c'est vraiment une culture différente. Ce que j'aimais, par exemple, quand j'étais plus jeune, c'était... Ils montraient pas les mêmes valeurs que dans les émissions québécoises. C'est vraiment plus mature. Là, ils parlaient toute Maya. Parlant de valeurs... Maya, là... mais tu sais, tu mini-fais. Tu voyais le père, ça crie une claque sa gueule à sa fille. C'est check t'es ça. Comme « wow ». Parlant de valeurs d'émission, là, moi, mon gars, il écoutait à Télétoon Rétro avant de l'école, il y a une couple d'années, il écoutait Le Petit Castor. Puis moi puis ma blonde, on s'est dit, c'est Le Petit Castor qui l'écoute, c'est pas grave, tu sais, c'est le non, fun. Non, c'est hardcore. Mais moi, là, j'étais assis le matin, puis j'écoutais ça avec lui, là, puis Le Petit Castor, dans le fond, c'est un petit Chris d'arrogant qui se met à gueuler après tous les adultes de la place, puis il a dit, je vais te casser la gueule, puis ça va battre des renards adultes, nowhere de même, parce que lui, il se prend pour un autre. Ah, puis c'est un Crips, lui, hein? Il me semble que son bandeau rouge, il est Crips, lui. Hey, non, c'est un Blood. Un Blood, oui. Mais Le Petit Castor, quelle mauvaise influence là pour nos enfants. Mais pas tout le temps, ça dépend. Parce que justement, les aventuriers de l'espace, ça prenait aussi le courage. Oui, les aventuriers de l'espace, c'est d'autres choses. Mais il y avait aussi le courage. Tu sais, comme plein, il y avait aucune de bonnes valeurs puis de valeurs qui étaient un petit peu dé pour un enfant de 6 ans. Mais moi, je pense... Mais moi, j'aimais ça. Tu viens de me faire penser à quelque chose, parce que Petit Castor, aventurier de l'espace, on s'entend-tu que la science-fiction... Elle vient enlever quelque chose. Ben, elle vient enlever quelque chose, mais en même temps, c'est qu'elle... Ouais, mais elle va comme rationaliser sans que ça soit hardcore. Tu sais, la science-fiction, je pense, peu importe l'âge, tu peux l'écouter, ben, qu'à part Alien pis ces affaires-là. Des limites, là. Le 8e passager ou le 9e passager? Je sais plus de quoi tu parles. En tout cas, c'est un passager. Non, le titre en français. Anyways, fait que la science-fiction, dans le fond, là, c'est que ça devient un peu irréel, pis il y a tout le temps des bonnes valeurs de camoufler là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, startez vos jeunes, c'est la science-fiction. Ben, ça aide, ça. Star Trek. Ouais. MacGyver, ouais, quand j'étais jeune. C'était science-fiction, ça, un peu. MacGyver. T'as-tu vu le... Juste parce qu'il fait les affaires, là, pas le monde. MacGruber. MacGruber, je l'ai même pas vu encore. Hey, faut t'écouter ça. La branche de céleri. Moi, je dis rien d'autre, mais rappelle-toi de la branche de céleri. OK. Mais ça, pour dire... oui, c'est peut-être hardcore pour les kids, mais de nos côtés, dans les émissions, moi, je trouvais qu'ils montraient les vrais aspects de la vie, tu sais. Ouais, non, mais c'est autant vrai que c'est hardcore, mais autant que t'es comme ah, ok, c'est le même, puis t'arrives pas, t'écoutes des émissions jeunesse, t'arrives à 12 ans, puis tu vois le vrai monde, tu fais comme wow, ok, un instant là. Ouais, c'est d'autres choses. Moi, ça m'a préparé à certaines affaires que j'ai vues dans ces émissions-là, puis qu'après, c'est quelque chose, c'était un terrain qui était pas trop inconnu. Fait oui, c'était un peu intense pour un enfant de 6-7 ans, mais d'un autre côté, ça m'a permis de comprendre certaines affaires, puis je trouve que t'acquéris une maturité en voyant, en plus, c'est nos cultures, donc tu sais, moi, je trouve que ça m'a ouvert l'esprit sur certaines affaires, puis c'est. J'ai vraiment aimé ça. Puis moi, je pense qu'honnêtement, mes kids, je vais leur acheter des coffrets DVD de plein d'animes, puis je vais les mettre là-dessus. Puis Nelvana, eux autres, tu penses qu'il y avait des bonnes valeurs? Qui ça? Naka avec l'ours polaire. J'ai pas compris. La compagnie de Nelvana. T'avais Care Bears. Oh, hey, oui, non, oui, mais t'as peur. Ours polaire. My Little Monster, mon petit monstre. C'était quoi l'affaire? Il y avait une ballon, puis il se promenait. Les Calinos, c'est japonais aussi, là. Les c'est pas japonais. Je pense que c'est japonais, non? Non, c'est canadien, même. Non, ouais. C'était l'île aux ours. L'île aux ours. L'île aux ours. T'avais une ballon, il y avait un... Hey, c'était quoi, la maudite toune? Ça, c'est du vieux. Ah, non, mais c'était comme CGI. Mais c'est japonais, ça, c'était pour te vendre des tutos avec des cassettes. Le petit dragon devait être un pompier, lui. Le nombre de jokes wrong que tu peux faire avec un toutou de Teddy Ruxpin, là. Tu mets une cassette de Poison. Ça dit n'importe quoi, puis il chante. Il chantait du Poison. C'est vrai. C'est carrément ça. Mais le petit dragon, il veut être pompier, non? Ça, pas de ça me dit de quoi? C'est encore sur PBS, ça? Oui, ou... lui, il était sur PBS all the way. Là. Non, c'était avec tout le Magic School Bus. C'est QS, ça, si je me ça, c'est pourri. Il y avait Paddington aussi. Ça, c'était pas. C'était-tu plate? Mais c'était pas japonais, ça. Tu sais, c'était comme... Non, c'était... Non, ben, c'était pas japonais, Paddington. C'était British. C'était British qui se regarde faire de quoi de pourri. Attends, on va le regarder. On va te le trouver ça tout ça. L'ours Paddington. L'ours Paddington. Mais j'avoue que ça fait Brit, ça. T'sais, c'est du papier mâché, il y a un imperméable. Mais c'est un peu japonais pareil. Non, puis non, je la marmelade. Paddington. Il y a des bons cartoons aussi. Mais je pense que c'est... Il y a des très bons cartoons. Oh, hey, Thundercats. On doute pas des... Ça commence à E-Man. Ah non, c'est anglais, je promets. C'est anglais. Je vais vous dire ça dans deux petites secondes. Voltron. Ça vient. Voltron. Parlant de vieux bonhomme, il y a Goldorak qui sort son coffret mardi. Ouais. Goldorak, ouais, Grandizer, ils sortent ça pour la première fois. C'est après ça, 10 ans, là, c'est un achat. Qui attendent ça. Goldorak, j'ai jamais regardé. C'est plus vieux que nous autres un peu, mais c'est comme depuis tout le temps, ça n'a jamais sorti. Ouais. Moi, j'écoutais Goldorak. Je l'écoutais un peu quand j'étais kid, mais après ça, j'ai été introduit au show à un cartoon américain. Une autre émission qui m'a extrêmement touchée plus jeune, que je capotais, puis que tout le monde... Genre, j'écoute encore aujourd'hui, puis je trippe autant, c'est Reboot. My Little Pony. Reboot, c'était bon. Meilleure série canadienne pour kids, whatever. Megabug pour les gens qui ne parlaient pas anglo. Mais il y a des bons shows là-dedans. Il y a comme un break de comme 5 ans, après ils ont sorti la suite quand Matrix est plus vieux. Tu peux acheter la série complète, justement, en DVD, j'ai vu. Ça finit sur un cocktail. Et Miss Walker Studios, maintenant, c'est eux qui font les dessins animés de Barbie, maintenant. Oui, c'est vrai. Ils sont restés là-dedans, c'est un petit peu triste. Ouais, tu vas où que le cachet. Mais j'avais parlé à un des dessinateurs l'année passée au Comic-Con, puis il m'avait dit que ça s'en venait, la suite, il attendait le budget. Force de faire Barbie. Oui, c'est vrai, my bad. Force de faire du Barbie, t'as du cash. Non, c'est ça, maintenant, quelque part. Un moment donné, là. Sell ton soul, tu m'appelles un peu. Là. Non, mais bon point, honnêtement. Ouais. J'avais jamais vu ça, cet angle-là. C'est vrai que, dans le fond, on a été japonisés dans notre jeunesse. Très jeune. Beaucoup de choses japonaises au Québec. Mais peut-être que c'est ça qui fait aussi qu'on a autant d'amour pour les affaires geeks, whatever. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la culture. Là. Ça vient un peu de là. Non, honnêtement, c'est quand même assez relié. Ça a du sens. Toi, Milter, est-ce qu'il s'est passé de bon? Ben, moi, avant de parler de ça, j'ai eu un flash un matin, pas un matin, en m'en venant ici. Puis je voulais en parler, là. C'est-tu moins quand vous conduisez tout, Eric? Tu conduis-tu, toi? Moi, je conduis, mais ma femme, elle contrôle le char. OK, ouais. Mais tu sais, quand tu conduis, puis t'es en train de suivre quelqu'un sur l'autoroute, là, je veux juste que vous approuvez que c'est je dis, là. Peut-être que c'est moi qui écoute trop de films d'action ou d'affaires de même chez nous, là. Mais quand tu suis un autre char, puis tu vois qu'il fumait, mettons, puis qu'il pitche sa cigarette, puis que tu vois qu'elle roule, puis qu'elle s'en vient vers ton char... Tu prends comme 2 secondes pour flasher dans ta tête et dire, admettons qu'il y a une goutte d'essence qui coule de ma tank puis qui punk ça, puis boum, j'accepte. Parce que ça m'a fait ça en m'en venant tantôt. Ça s'appelle la paranoïa, puis... ça. Ça l'arrive. Non, mais je sais pas, à trois fois qu'il y a quelqu'un qui pitch une top, c'est comme si tu au ralenti, elle s'en vient vers mon char, puis je me dis, admettons qu'il y a une affaire défectueuse, puis ça pète. Genre, boum. Mais le pire, c'est que. Avoue que tu y penses, je suis pas tout seul là. Ben, j'étais un peu comme toi, puis tu sais, on passe quand même pas mal de temps sur la route dans notre quotidien professionnel. Ben, je m'imagine des affaires nowhere des fois, c'est tellement plate. Ben, j'ai déjà eu une canette de Red Bull, moi. Il y a un cave. T'as revolé dans. Puis je suis chialeux sur la route, mais je conduis bien. Ouais. Puis j'ai eu une canette de Red Bull. Le gars, il a fini sa canette, puis tu sais, c'est pas une pomme, c'est pas une peau de banane. Ben, même une pomme, là, si tu as pas influencé par Mario Kart. Tu la sang, mais non, mais une canette de Red Bull, hey, ça a chippé mon hood, toute la kit. Puis, tu sais, j'étais arrivé à la même hauteur qu'eux autres, puis j'ai juste fait un regard en voulant dire, tu sais, c'est comme, what the fuck, puis j'ai envie de te tuer, tu sais. Tu prends ta plaque, non? Puis, ben, ouais, mais d'un autre côté, tu sais. Écoute, j'ai pas vraiment pensé à ça, puis le temps que je prenne mon calepin de notes, puis. Mais. J'ai regardé eux autres, puis le jeune, il était crampé bien raide. Ce qu'il se disait, tu vas rien faire. Ben, tu sais, c'était un peu ça, mais tu sais, d'un autre côté. T'imagines, juste tu l'aurais raidé avec ton char, il aurait-tu pogné son âme? Ça m'aurait tenté, mais d'un autre côté, je perds mes licences, je perds pas mal d'affaires dans ma vie. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu dis, toi, c'est que le bad trip, c'est les conséquences suivantes de la revanche. Wow, c'est un petit peu deep. Tout ça à cause d'une cigarette pitchée sur l'autoroute pour que je paranoïe. Tu m'as fait revivre ma canette de Red Bull. Ça n'a même pas rapport avec mes actualités. En plus, c'était en m'en venant ici, je pensais à ça, puis j'étais comme, ah, c'est qu'il faut que je check. Puis le soir, elle flash plus, la top. Ben oui, ben c'est le soir que tu vois le bout de feu que ça veut vers toi. Puis là, tu penses juste au gaz dans ton char. Tu dis que tu coûtes cher en plus. C'est un arme, ça, dans un jeu vidéo. Tu veux surtout pas sauter. Tu pars avec 80$ minimum à cette heure. Minimum. Dépend du char. En tout cas, moi, dans le fond, quand j'ai fait, j'ai acheté plein de jeux. Parce que j'ai eu des bonnes. Ça, puis il est ça, t'as essayé, il est comme. Ah, j'ai acheté plein de jeux. Ça faisait un bout, j'étais en retard. Je pourrais dire dans les jeux, des nouveautés, puis tout. Fait que j'étais allé fort. Je m'ai acheté là, Assassin's Creed 3, Halo 4, Call of Duty 2. Est-ce que j'ai acheté d'autres? Resident Evil 6. T'as acheté quelque chose qui n'était pas une suite? Non. Là, ça vient de me frapper, penser. Là. Oui, mais non, j'ai acheté Automedius Excellent. Ah, bon. C'est Gradius. Tu sais, le vieux jeu shooter de côté, Gradius. Mais avec à place, c'est comme un skin de belle petite fusée que des japonaises à moitié tout nues embarquent dedans. Puis que, tu sais, c'est pas mal plus le fun que Gradius normal en petit bit cheap. Fait que, puis en plus, j'ai eu une tête d'oreiller dans ma version que j'ai achetée. Fait que j'ai comme une tête d'oreiller avec une grosse paire de boules de japonaise qui est là pour mettre ma tête dessus. Mais je l'ai donné à mon kid. Fait que lui, 9 ans, puis il dort dans les boules. Des boules de cartoon japonaise. C'est très drôle, là. Puis quand il a demandé si elle voulait, il était comme très gêné de dire oui, mais gars. Ben, je pense que tu vois, ça, c'est une bonne chose parce. Ben finalement, attends une minute. Je pensais que c'était pour être une bonne chose parce que c'était pour le calmer un peu parce qu'il était gêné de l'accepter, mais tu vas peut-être freiner sa croissance sexuelle. Ouais, je sais. Gars, je pense pas à ça. Moi, je m'en dis, t'as vu dessus. Ben, c'est pas moi qui vais avoir comment la tête d'oreiller. Comment tu freinerais sa croissance sexuelle? Ben, là, il a eu peur de demander une tête d'oreiller avec des seins dessus. Ben non, mais tu demandes avant s'il y avait un kid, 9 ans. Ouais, j'avoue que là. Ouais, c'est 9 ans, t'en comprends. Ben, sais-tu, moi j'aurais fait ça à 14 ans. Tu sais, c'est quand, mettons, il invite sa première blonde à la maison, switch sa tête d'oreiller sans qu'il sache avec celle-là en cachette. Il arrive se coucher le soir, elle fait « Qu'est-ce que c'est ça? » J'avoue. Non, mais là, ça marche mieux comme ça, par exemple. Là, quand il va venir avec sa blonde, il va le cacher, puis là, il va pouvoir la sortir. Ouais. Il va dire « Comment tu fais, t'as caché ça? » Vous me rappelez, là, mon père m'avait fait un coup de même quand j'étais jeune. Je me rappelle, j'étais revenu de l'école, puis... Gars, il a dû planifier son coup des mois d'avance. Ma mère, elle achetait le 7 jours à tous les fois. Puis tous les stickers de Backstreet Boys and Sync, puis des affaires de même, les posters, puis tout. Il a tout gardé ça pendant à peu près 6 mois de temps. Fait que moi, je reviens avec mes chums en finissant l'école. J'ouvre la porte de la chambre, je rentre. Puis il y a des posters d'NSYNC puis de Backstreet Boys partout. Il y a des stickers sur mon déodorant, tout le kit. Puis là, moi, je fige, puis je suis blanc, puis j'ai. Oh my god, je suis capable. Wow. J'ai peur, puis il passe en arrière, puis il fait ouais. Ta main décorée, puis il se pousse. Oh non! Fait que je pense que je vais être un terrible père, mais que je sois plus vieux. Yo, ça, c'est cool en Chris. Quand je dis qu'il ressemble à Red Foreman dans That 70's Show, là, je niaise pas. Là. Mais moi, je vais pas te le cacher en voyant la jaquette à soir. Mes amis, ils sont foutus de ma gueule pendant X nombre de temps, j'ai des problèmes d'insertion. Non, je déconne. Il vient de s'en sortir. Puis souvent, les dents, puis tout. C'est une couple de mois. Mais fait que les jeux Automédius excellent. Automédius excellent, là, juste en partant pour tout casser qu'il y a dedans. Sans même jouer au jeu, ça valait le prix. Puis c'était. C'est cool en plus. Pour ceux qui aiment les vieux jeux comme Gradius, là, des vieux shooters. Ben, depuis qu'Eric m'a fait essayer Raiden. Ben, c'est vraiment comme Raiden un peu. Là, tu sais, le, sur je savais pas que tu l'avais acheté quand j'ai vu ta photo. Je pensais que tu l'as eu comme en partant d'une de tes deals de. Je sais pas trop quoi de cadeau de tes ouais, compagnies. Ben c'est un de mes c'est, celui-là, je l'ai eu en cadeau. Là. Les autres, je les ai achetés. Mais celui-là, il savait que moi, j'aime les affaires weird japonais. Fait qu'il me l'a donné. Puis dans le fond, c'est le même petit jeu Gradius. Cheap au bout, dans un sens. Tu pognes des bonus, puis tu sais, deux balles, un missile, quelque chose. Mais c'est une petite japonaise à moitié tout nue avec des petits sauts dans un vaisseau qui tire à la place d'un petit vaisseau lait cheap de Gradius. Qu'est-ce qui est plate, c'est que dans tous les jeux que j'ai achetés, le seul que j'ai joué... C'est Automedius excellent, puis Hitman que j'ai commencé, puis toutes les autres que j'ai pas eu le temps encore de jouer. Puis j'attendais beaucoup Hitman, j'étais un fan de la série depuis pas mal longtemps. Fait que sur 10, tu donnes quoi à Hitman? Ben, j'ai pas fini complètement, j'aime pas donner des chiffres, là, mais je vais dire un 8 pareil. Là. Oh bon, shit, bon, vraiment, c'est un méchant bon jeu. Au début, j'étais pas sûr, parce que je trouvais que, tu sais comment dire, je veux pas dire la gâchette facile, mais le kill facile. Tu sais, puis c'est un jeu que... T'es supposé d'être stealth. Ouais, mais un stealth, pas à la Splinter Cell, que t'es stealth, que tu tues tout le monde un par un. Ouais. T'es comme stealth, je m'habille chic, puis je rentre dans un party stealth, puis genre, je m'habille en livreur de pizza, puis je rentre par quelque part stealth, là. Tu sais, ce genre-là. Ouais. Ce qu'ils ont pas fait dans le film, là. Non, dans lequel film que je... Aucun rapport, là. Je sais pas, m'en ai 6 assassins dans le train avec un épée de ninja ou je sais pas quoi, là. En tout cas, n'importe quoi. Mais en tout cas, je trouvais qu'il y a le kill facile, mais c'est les premiers tableaux, puis je m'ai fait dire, puis je m'en ai rendu compte en continuant de jouer, que c'est tout dans la façon que tu le joues. C'est comme moi, un moment donné, je jouais, puis un moment donné, j'étais plus capable de tuer quelqu'un ou d'être stealth sans me faire voir, puis à partir de là, ça y allait gun partout, puis c'était plus tough, là. Puis à force de rejouer, tu caches des affaires, faut que tu prennes ton temps. Un tableau peut te prendre 45 minutes parce que faut que tu ailles saboter de quoi. C'est cool, puis t'attends ça, 15 minutes. Oh, mais tu sais, quand tu y penses pas au début, tu fais what the fuck, c'est pas comme les autres jeux, tu sais. Puis quand j'ai continué à jouer, je m'ai rendu compte, ouais. Ben, bon parallèle avec ça, le Syndicate, quand c'était sorti, c'est un jeu qui a un paquet de monde qui ont pas joué. Puis Syndicate, là, D'un, tu voyais la bande-annonce, puis tu fais, hey, Skrillex, c'est un gros dubstep, puis là, le hardstyle, il me fait penser à Mirror's Edge, puis tu sais, ça avait l'air vraiment cool. Moi, j'ai adoré. Starbreeze Studios, de monde qui ont pas aimé plus, ça. Hein? Ben oui. Syndicate, là, c'est le seul first-person shooter que j'ai joué dans les dernières années, qu'à chaque fois que j'étais dans ma zone de confort, il me sacrait un punch qui me dévissait la tête, puis là, fallait que je réapprenne à jouer, parce que là, t'arrives à une place, puis mettons, au début, le premier agent que tu pognes, t'es un agent, puis là, tu te bats contre du monde, puis faut que tu pirates le gars qui fait en sorte que tu peux l'attaquer par après, des choses comme ça. Mais là, il te rajoute d'autres niveaux, puis tu développes des habilités, puis c'est pas nécessairement, tu viens d'apprendre telle habilité, faut que tu t'en serves, là, OK, je viens d'apprendre comment tasser des objets, puis ça va être ça. C'est plus, non, OK, faut que je me serve de toutes les autres que j'ai appris avant qui vont m'amener à celle-là, puis des jeux de même, là, je trouve ça tellement récompensant quand tu passes un tableau, là. Syndicate, je l'ai acheté impulsivement. J'ai fait, je la jette, il n'y a pas de problème. J'ai battu le premier monstre. Après, je vous mens pas, puis là, il y a peut-être du monde qui vont faire sur les internets, ils vont faire « t'es retardé, pocket ». Ça m'a pris 20 shots. Ici, je réagis, on va dire ça. Je réagis, j'avais ma manette dans les mains, puis je comprenais pas, puis j'étais « voyons donc, maudit jeu de merde ». Puis là, un moment donné, je catch, « hey, t'as peur, il y a une icône au-dessus de la tête, c'est quoi ça ?» J'accroche, « ah ben, tu peux pirater le gars. » Wow, t'as peur, là. Puis je l'ai battu en claquant des doigts. Sauf qu'après ça, tu sais, si tu te réévalues comme ça, fait que je trouve le concept de Hitman, justement, de te faire remettre en question comment tu joues, malade. Ah, ça, moi, ça vaut l'argent, j'adore ça. Là. Ouais. Il y a que de la même façon que j'ai fait comme deux kills un moment donné, à quelque part, là, même moi, je suis comme, ah, c'est ce que j'aurais jamais pensé à ça la première fois. Puis, ben, c'est ça que j'aime aussi. Tu me fais rire, parce que là, je me rends compte que t'aimes des jeux de stealth. J'adore ça. Puis tantôt, Dishonored, t'es comme, tu te demandais c'était quoi ça? Ben, je l'ai vu, mais j'ai pas pris le temps de m'informer parce que corde, je suis dans le jus. J'étais dans le jus à job, je m'informais pas. C'est pour ça que je m'ai comme rattrapé là. Mais Dishonored, là, c'est vraiment très dans le jus. C'est vrai que t'aimerais probablement ça, honnêtement. Parce que ouais. Ça, là, chaque tableau, chaque approche. Ben, j'ai que entendu tuer du bien 20 000 fois de ce jeu. C'est la manière que tu peux tuer les personnes, la manière que tu peux fucker le chien là-dedans, là, ça. En tout cas, tu peux être très créatif. Puis comme Hitman, justement, pour les anciens, en tout cas, que j'aimais, c'est que j'étais rendu que je connaissais le pattern de certains personnages dans les premiers tableaux. Mettons que j'avais déjà fait, je l'avais tellement fait souvent que je le connaissais par cœur. Fait que je me faisais tellement du fun là, à attendre quelqu'un dans une place. Je le tuais. Je m'accumulais comme 45 heures dans un petit shed en quelque part, juste parce que c'était vraiment drôle. Puis à un moment donné, il te voit tout, il cherche partout, puis il n'y a plus personne nulle part. Puis, il y a toi, le gars louche. Le gars, il a un tatou dans le town square. Ben, ça ressemblait à ça. Là. Genre, à un moment donné, je me souviens, c'est l'autre avant, j'étais dans une villa de vin, genre, puis il y avait comme un party, mais il y avait de la drogue en même temps qui se faisait dans ce place-là, puis grosse affaire. Puis moi, mais il y avait comme une tour qui se promenait. Puis en tout cas, j'avais assassiné tout le monde de la tour, un après l'autre, dans une porte, en les traînant, genre, quand j'ai laissé faire le tour. Puis j'étais tout seul, à un moment donné, le gars, il faisait sa tournée, puis il y avait juste moi, puis c'est comme, tu te poses pas de questions, genre, là, c'est juste vraiment drôle. Là. Fait que t'as du stock à jouer en masse. Ouais, j'ai du stock à jouer en masse, puis en plus, que, épisode de Noël, dites-le pas à mes enfants, mais je leur ai acheté une Wii U. De toute façon, m'étonnerait que vous connaissez. Justement, mes je parlais enfants. Avec tes enfants sur le live feed. Ouais, ils sont là présentement. Envoyez-leur la main. J'ai acheté Mario U, puis Zombie U, puis la Wii U, puis le tout, là, le Pad U. Puis de l'argent est en reste-tu? Nintendo Land U. Non. Je suis pas mal à sec. J'attends. Ben, c'est Noël, hein. Ah, c'est tout d'une shot. C'est rendu grave, pareil. Hein. Fait que, mais en même temps, ça, c'est pour moi. T'sais, c'est comme on. Moi puis ma blonde, on passe ça comme un cadeau familial. Ouais. Mais, tu sais, il y en a un qui a 2 ans et demi, fait qu'on sait qu'il jouera pas tout de suite. Puis l'autre, il y a 9 ans, fait qu'il jouera, mais quand il est couché, mais c'est nous autres qui va jouer à Mario puis Zombie U pour l'instant. Puis, c'est cool, ça. Les autres jeux exclusifs, parce que je vais pas acheter Call of Duty là-dessus quand je lis sur d'autres affaires. Ouais, non, mais, ça, c'est un fait. Je vais sûrement jouer à ça plus pour les jeux exclusifs, là. Mais cool. J'ai hâte de l'essayer parce qu'elle n'est pas pluguée avant Noël. J'ai le goût. Tu vas-tu faire l'affaire, genre, ta plug, puis t'emballes la boîte vide, puis les autres, il y a des balles, puis elle est déjà branchée. Puis... Parce que la nuit avant, je vais faire toutes les updates. Il paraît qu'il y a comme 18 gigs d'updates les 12 gigs qui restent de mémoire dedans. Là, Ça, c'est une affaire, c'est des updates de console. Non, j'ai acheté la noire. C'est que j'écoutais le monde chialer. Là, le premier jour, là, c'est l'affaire partout. Je peux pas jouer avec ma Wii U, il y a trop d'updates. C'est ce que je te dis. Mais c'est-tu mal pensé, pareil? La Wii U est complètement mal conçue. Là. Je m'excuse, là, mais Nintendo sont dans. Ouais, mais la blanche, toutes les périphériques USB fonctionnent dessus. Ouais, tu peux mettre un disque externe. Non, si tu veux jouer à Nintendo Land, OK, prends Deluxe. Mais si tu veux pas jouer à Nintendo Land, achète-toi une Wii U blanche, puis va t'acheter une clé USB de 64 gigs, plug ça dedans. Merci, bonsoir. Ouais. Yo, la Wii, là, d'un, là, pour la compatibilité Wii, ouais, faut que tu reloades une genre de OS Wii dedans. Toutes les activités que tu fais dans la console, que ce soit ouvrir ton menu, que ce soit accéder à un jeu, que ce soit retourner, c'est tous des exécutables séparés. Ouais. Qui fait que c'est super lent, puis c'est une console de 2012. Puis hey, quand ça vient à programmation, là, elle est vraiment mal programmée, je trouve. Mais est-ce là. Que tu peux, mettons, t'acheter sur Virtual Console, t'acheter des jeux de SNES dessus, est-ce que tu, ben, sur ton Wii, est-ce que c'est transférable faut, pour la Wii U? Faut que tu sois sur la Wii de la Wii U. Tu peux pas le faire. À travers du magasin Wii U, c'est tout un différent magasin, okay, qu'il n'y a rien dessus en ce moment. Puis si tu veux jouer à ce que tu as acheté sur ta Wii, il faut que tu sois dans le menu du Wii Shop de la Wii, comme sont pas connectés. Ouais, mais d'un autre côté, tu sais, regarde, OK, fais tes updates, installe le Wii logiciel, whatever. Une fois que c'est fait, tu joues. Bon, du même, il a raison. Tu sais, gars, c'est un ordinateur, là, tu l'achètes, là, tu viens de t'acheter ton laptop, là, et eux autres, ils te vendent ça, réinstallé avec Windows. Là, tu le pars, puis là, t'as comme 45 minutes à faire. Je trouve ça juste plate, puis je suis pas le gars, habituellement, d'attaquer des compagnies comme ça, mais je trouve ça plate, ouais, que Nintendo... Ils ont vraiment mal approché, ouais, mais... le back-end. Moi, que je trouve plate, là, c'est qu'ils sont pas connectés, genre, sur Facebook, puis ces affaires-là, ils font leur réseau social Nintendo, ouais, qui, aussi, après deux jours, les plaintes partout, c'était qu'il y a juste des pénis. Le monde écrit juste de la merde. Mais tu sais, moi, je pense que la Wii U, le concept est bien, la console est bien, il y a des lacunes, mais c'est un peu... C'est un peu le point de non-retour où on réalise que moi, j'ai grandi en jouant à Final Fantasy, à Dragon Warrior. J'ai grandi avec les jeux japonais, les Metal Gear de ce monde, toute l'équipe. Mm-hmm. Puis j'ai des bons souvenirs de ça. Mm-hmm. Je pense que je suis rendu à un point dans ma vie où la Wii U, c'est le symbole que on a appris beaucoup des Japonais dans le temps. Puis tu trouves un PlayStation, c'est encore là-bas, là, mais tu trouves un Xbox ou quelque chose de même. Et la barre, elle a été haute. Ben, c'est parce que le marché nord-américain commence à être très fort. Puis Sony ont poussé Nintendo. Sony ont poussé Nintendo à surperformer. Puis Nintendo ont poussé Sony à s'améliorer. Puis quand Microsoft ont rentré dans le marché, ben, ils ont redonné une autre claque. Puis ils ont redonné. Honnêtement, là, regarde, je joue plus à des Final Fantasy. Puis là, il y a un paquet de monde qui vont me pitcher des rushs. Puis de la kit. Mais d'un, j'ai plus le temps. Parce que, regarde, j'ai arrêté au. C'était quoi? C'était le 12 au PS2 que j'ai arrêté. C'était. C'est cool, celle-là. C'est cool, mais tu sais, regarde, là, moi, j'aime bien mieux jouer, mettons, à un Skyrim que jouer à un Final Fantasy. Pourquoi? Parce que je peux arrêter, je peux faire un autosave quand je veux, puis il n'y a pas de problème. Je suis pas pogné dans un CGI dans de 2 ans. Dans le temps de Final Fantasy 7, mais j'ai Daggerfall. Ben, c'est ça. Pas Daggerfall. J'ai joué à Daggerfall aussi. Mais bon, j'ai joué pareil à Final 7, sauf que à Final 7, j'avais quoi? J'avais 13, 14, 15 ans. Le PC pour Daggerfall, c'est pas tout le monde qui l'avait. Le dernier, c'est pas Wii, rien que ça, mais la story, j'avais le temps de jouer. Ouais, mais ça, c'est juste ça, oui, ça. Écœurant. J'avais le temps, moi, de battre Ultima Weapon, puis de me claquer un CGI de 1h30 avec la mort d'un personnage, ou bien avec la vie d'un personnage, ou n'importe quoi. J'avais le temps de faire un paquet d'affaires. Mais c'était nouveau, mais ça c'était aussi. Nouveau, puis c'était écœurant. Ça écoeurant. Me fait chier, même avant, puis même aujourd'hui, là, 1h30 de temps, là, qu'autant que ça soit Metal Gear ou PS3, là, j'étais assis pour jouer, je suis pas assis pour écouter pendant 1h30 de temps. Mais il y a du monde qui trippe là-dessus. Je suis d'accord avec ça. Si tu trippes, c'est cool, mais le fait que tu le sais pas. Ouais. Genre, il y est, tu joues, bang, et tout, tu dis, hey, je vais saver, je vais aller me coucher bientôt. Pow! T'as une animation de 45 minutes, t'es comme, ben oui, puis tu peux pas rien faire pendant tout Far Cry 3, il m'a fait le coup. J'étais en train de le commencer, là, puis au début, là, puis je startais une game, il fallait rejoindre des chums. Quand c'était au là. Début, c'est le pire. Là, j'étais comme, hey, je vais partir. Puis t'as l'option save, puis même pas grayed out. Puis là, je pèse sur save. Je peux pas, tu peux pas tout de suite. Là, maintenant, ça faisait 1 heure, je jouais, puis là, j'ai pu saver, puis ça crée mon camp. Mais d'un autre côté, c'est parce que j'étais rendu au point de non-retour. Ça fait 45 minutes, je joue, puis je peux pas saver. Je veux-tu scraper mes 45 minutes? Mais pas rien que ça, tu sais qu'il faut que tout te reprenne, puis... Exactement. T'es pas plus avancé, fait que tu te dis, je vais attendre un autre demi-heure, ou quoi de même. Tant qu'à me retaper tout ça, de toute façon, la prochaine fois... Ça me fait capoter. Ça me fait rire, parce que moi, j'étais dans la même situation que toi hier. Fallait que je rejoigne des chums, puis je joue à Halo 4. Puis Halo 4, faut que je m'en aille, pay start, save quit, ciao. C'est ça. Ça, là, ça, c'est penser à son client. Ça a l'air con. C'est ça. Mais moi, juste pour rester sur l'affaire de la programmation, c'est comme la manière que les consoles sont approchées, Microsoft, là, ils ont prouvé une fois encore, parce que je ne veux pas embarquer dans l'histoire de leurs ordinateurs et tout, mais ils ont prouvé une fois encore que c'est toute une guerre de logiciels, c'est pas du hardware. Puis je m'excuse, là, mais la manière que Microsoft ils ont arrangé ton gamer tag, ça a de l'air qu'éteint, mais avec Windows 8 qui est sorti, là, quand j'ai embarqué ça a tout embarqué ensemble, ça a tout reconnu ma Xbox tout de suite. Ouais. C'était tout en. Moi, je trouvais ça cool. Quand t'as la Wii, par exemple, là, ça me fait chier que si tu t'es acheté des jeux sur ta 3DS, tu t'achètes des jeux sur ta Wii, puis là, t'achètes ta Wii U, tu devrais allumer ça, puis tu devrais être là. Ouais. Mais c'est pas de même. Je trouve ça poche qu'ils n'ont pas pensé à ça. Tout est séparé, tout est croche. La seule place où que ça vient tout ensemble, c'est quand tu vas sur le site web et tu rentres manuellement tes petits codes d'adminisage que t'as, puis là, on va t'envoyer un petit cadeau de temps en temps. Quand que ça pourrait être tout relié par un système de réseau, comme tu dis, puis tout connecté là-dessus. Ben écoute, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts, puis je parle pas nécessairement juste de nous autres, mais peut-être qu'il y a des gens de l'industrie qui... Non, je pense qu'il y a juste nous autres qui écoutent des podcasts. Le monde qui font des podcasts écoute des podcasts. Le monde qui écoute des podcasts, c'est le monde qui font des podcasts. Ouais, parce que j'entends des astuces de bonnes idées ces podcasts, puis je pense pas qu'ils se font écouter. Regarde c'est de valeur, pareil. L'annonce de le comic de Penny Arcade, là, aussitôt que la Wii U a été montée. Ouais. Là, ils sont là, puis tu veux juste voir le Dungeon Master qui a la manette, puis les autres qui jouent dans leur action adventure RPG, puis t'as le Dungeon Master qui a la manette qui guide le dungeon. Celle-là est gratis. On va jamais voir ce fucking jeu-là. Là. C'est de valeur parce que ça aurait été écœurant, mais j'aurais voulu jouer. Moi. Mm. Bon, ben écoute, merci Joe. Ben, ça a bien du sens. N'importe puis, quand. J'ai hâte de savoir tes opinions sur les autres jeux. Là. Ouais, non, j'ai hâte. Là, dans 6 mois, il va parler bout, des locales. Je n'ai jusqu'à Grand Theft Auto à peu près. Là, non. Tu vas tous les lâcher pour Grand Theft. C'est sûr. Fait que si j'ai pas commencé Assassin's Creed 3 encore, mais demandez-vous pas pourquoi. Toi, mon Rick, est-ce que tu changes de bon? Ben, ces temps ici, je sais pas, genre que j'ai juste une petite parenthèse là, un peu. J'ai embarqué dans. J'étais allé voir une couple de films, là, mais je veux juste dire, là, allez voir Life of Pi. Je le dis de même. Là. C'est pas l'affaire avec le bateau pis le lion. Le bateau pis le lion, mais ça avait l'air encore cool. Mieux, va le voir. Ben, j'ai vu le trailer pis le visuel, j'étais. Man, c'était. Je savais pas ça parlait de quoi pis j'ai fait ça a l'air. C'est basé sur un livre de Yann Martel, c'est basé sur un livre d'un Canadien québécois. Mm. Cool. Le film, en plus de ça, c'est il y a bien des scènes. Il y a des. Parce que c'est une c'est un conte qu'il tentait de raconter à un journaliste ou un écrivain. Fait que, mais quand il tentait. Le gars, il va à l'école à McGill, c'est un professeur à McGill. C'est des belles shots de Montréal pendant qu'il. Comme c'est vraiment. Tu sais, c'est un film. Es-tu encore professeur à McGill ou il a fait un magot? Non, le gars qui tourne l'histoire, on sait pas c'est qui un peu, mais l'histoire est écœurante. Je le suggère à n'importe qui de le voir. C'est vraiment un exemple d'une bonne adaptation, parce que j'ai lu le livre et j'ai trippé sur le livre. Mais c'est juste du bon storytelling. Fait que je dis ça de même, là, si vous allez voir un film, puis fuck les annonces ou ce que ça dit, le nouveau Avatar, là, je sais pas de vous qui ont sorti ça. T'as pas vu ça? J'ai pas vu ça. Man, t'as des posters là, de Life of Pi. Ça, ça me donne pas le goût d'aller le voir. Le nouveau Avatar de visuel de l'année. Ah, ben tu sais, audio visuel, il y a le tigre en 3D, dans le fond. Il y a de l'air d'un vrai tigre, tout le film. Mais tu sais, ils ont pas utilisé un vrai tigre. J'espère que film et livre, j'ai commencé à aller World War Z. J'ai hâte de voir le film. Moi, j'ai lu le livre il y a longtemps, puis c'est bon. Là, le livre est écœurant, mais je ne catch pas comment ils vont faire un film avec ça. Il paraît que je m'ai fait dire ça cette semaine, parce que je ne me souviens plus qui pantoute. Ça n'a même plus rapport. Ben, c'est ça, ça a l'air, ça va être l'histoire d'une personne. Ils ont le nom, puis c'est ça, là, ça n'a même plus rapport. Ben, World War Z, c'est un peu ça le livre. Là, quand tu y penses, c'est le journaliste qui fait le tour et qui récolte les histoires de plein de monde, leur version, leur en ordre chronologique un peu. Mais il paraît que ça n'a même plus rapport. Il y a tellement eu de scénaristes là-dedans. Pis tout que... C'est de valeur. Parce que le livre, là, regarde, écoute, je capote. Puis j'ai même pas vu. J'ai quasiment le goût d'aller voir là. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que les zombies ont de l'air weird aussi. Ouais, ben, gars, écoute, d'un, c'est des vagues de zombies. Là. Des tsunamis. Ouais, c'est ça. Des tsunamis. Une vague, c'est pas assez gros pour Hollywood. C'est ça, ben, écoute, excuse-moi de t'avoir coupé, Rick. Fallait que je partage ça avec vous autres. Ben, parce qu'on dirait que j'ai le goût de rester ces films. Là aussi, vous avez-tu vu la bande d'annonce pour Oblivion? Oui. Hey, je l'ai vu tout à l'heure avant que vous arriviez, justement. Il y a un film. C'est juste valeur que Tom Cruise joue Tom Cruise. Mais Tom Cruise va toujours jouer Tom Cruise. C'est ça. Deal with it. Il va courir. Mais c'est le même réalisateur que Tron, hein? Tu savais-tu ça? Ben écoute, tu viens de me le vendre deux fois plus, s'il y en avait un qui est très. C'est le même réalisateur que Tron, son deuxième film, mais l'histoire est hallucinante, là, juste de le voir. Mais là, c'est basé sur le jeu ou c'est basé sur... Non, c'est science-fiction. Mais c'est la bonne... Hey, Morgan Freeman, là. Oui. Il est plus là, lui, hein? Il est mort? Ben c'est ça, il est mort. Ok, il est mort, c'est un fucking... Morgan Freeman, il est pas mort. C'est un hoax qui se promène sur le... C'est un hoax, ok, good. Bon, mais parfait, excellent. Ça, parce que je l'ai vu dans le trailer, j'ai fait... C'est ça, c'est Joseph Kosinski. Là. C'est lui qui a fait. C'est lui qui l'a écrit en plus. Wow! OK. Fait que disons que son tu sais, quand tu dis genre, t'en fais un pour toi, j'en fais un pour moi, là, c'est la. Ouais, il a fait un pour Hollywood, puis là, il s'en. Ben, celui qui a fait pour Hollywood. Ben, Oblivion, c'est pas mal Hollywood aussi, ouais. Là. Mais ça a l'air vraiment écœurant. Puis si c'est des gens qui veulent voir la pub, allez voir la pub. Kosinski, on peut dire qu'est-ce qu'on veut de Tron. Moi, j'ai adoré Tron. Je sais que toi, t'as adoré Tron. Moi, j'ai adoré Tron. Ouais. Mais visuellement ça aussi, c'est malade, là. Tout est Tron. Bon, ben en tout cas, je vais pas rester ces films tout le long, là, mais ça, j'aime ma parenthèse de films parce que j'étais un gros freak de films. Correct, puis je vais parler des films que j'ai vus tantôt, anyways. Mais j'ai rembarqué dans League of Legends, moi, pour aller un petit peu dans les jeux vidéo. T'es courageux? Je suis courageux parce que oui, moi, j'étais un gros fan de Defense of the Ancients, là, le genre de jeu où tu sais, t'as des héros qu'il faut qu'ils tuent des... Ben c'est ça, mais le monde qui ne connaissent pas League of Legends, Defense of the Ancients, c'est quoi? C'est dans le fond, chaque personne ben, contrôle... T'as deux équipes de cinq. Ouais. T'as trois lanes chaque. Puis t'as des towers. C'est comme un peu un mélange de Tower Defense. OK. Mais puis c'est originaire de Warcraft 3. C'est un mod de Warcraft 3 avec Dota. Dota? Exactement. Que Base Hunter jouait, là. Que oui. Je m'excuse. C'est correct? Hey, ma voix vient de revenir pour 2 minutes. C'est bon, ça. Mais là, c'est en tout cas, moi j'adore ce style de jeu-là. Puis j'adore les Defense of the Ancients, j'adore tous les mods qui ont sorti pour Warcraft 3. Mais League of Legends, c'est la première fois qu'ils ont fait un genre de free-to-play où ce que t'as, ça marche très bien. Puis c'est un gros jeu compétitif en ligne. Mais la communauté, c'était de la fucking merde. J'ai joué un mois à ça, là. Puis t'es fait envoyer chier tellement de fois là, que t'as dit fuck this shit. Non, mais à un moment donné, là, c'est que, tu sais, j'en joue à des jeux, puis ça fait longtemps que je joue à des jeux. Puis, tu sais, je suis pas nécessairement mauvais. Puis t'es prêt à vendre. Je suis prêt à apprendre. Puis t'es prêt à apprendre, ouais. Mais j'étais prêt à apprendre, puis honnêtement, là, tu joues une game, puis... Tu sais, la game commence, puis là, t'achètes tes items. Je viens de commencer, j'achète l'item. Apparemment que c'était pas le bon item pour mon bonhomme. J'ai scrappé à vie de 4 personnes. Des 4 membres de mon équipe. T'as pas acheté le bon item, puis là, je voulais parler parce que c'est en anglais, puis tu peux pas jouer parce que tu joues à WoW, Mel. Fait que tu comprends un peu le trip de RPG. League of Legends, là, c'est le style de jeu-là, c'est un RPG à la vitesse x1000. Non, c'est parce que oui, tu vois du haut. Mais t'as un héros que tu montes de niveau, parce qu'à chaque fois que tu débutes, tu montes de niveau. C'est comme la Diablo. Exact, mais c'est dur à expliquer, mais je suis prêt. Moi, je suis prêt à te montrer le jeu un soir, si tu veux. Là. C'est vraiment cool quand tu comprends le trip. Mais en dernière raison, tu sais, le jeu, il y a quoi? Ils sont rendus à 90 héros, si je me trompe pas. Puis tu sais, t'en choisis un. C'est dur d'en maîtriser un. Fait que là, t'en choisis un. En maîtriser 90. Ben, c'est ça, pour savoir qu'est-ce que les autres 90 ils font. Fait que quand toi t'arrives là, t'as du monde qui joue, ça fait des mois ou des années, tu comprends rien, puis là, tu chies dessus. Que tout ça pour dire. Moi, je me faisais chier dessus à World of Warcraft quand je faisais des dungeons avec du monde trop fort pour moi, là, genre. Ouais, mais quand t'es. Ah, mais c'est pas toi, Leroy Jenkins. Non, ouais, c'est toi, ça. Si I wish, man, imagine la popularité que j'aurais là-dessus. Non, alors, combien j'étais... de DKP que t'as perdu dans ta vie, toi? Au moins 50. Je sais même pas c'est quoi, tu vois, quand j'ai dû en perdre dans le net. C'est quand même que ça existe plus des DKP, okay. Anyway. Moi, je me promenais avec du monde, puis là, ils me gueulaient après dans le micro parce que j'allais, genre, j'étais tout le temps un undead thief. T'étais un fucking aggro. Je backstabais quelqu'un, puis je faisais de quoi? Non, pas tout de suite, ça, viennent tous, viennent tous. C'est ça, il aggro. Il faisait plein de pulls, je comprends pour que t'envoies chier. Moi, je tout le monde. Moi, je te comprends, j'étais un warlock, puis ça a l'air que j'étais pas bon. Mais, hey, ben, vous autres, vous êtes des. Tout, vous, en tout cas, les deux, là, chef qui parle, qui joue à ça, Pandré, là. Mais des MMO, là, moi, j'en cherche un bon, genre. Mais, j'en ai plein mon astu, excusez le terme, de le médiéval. J'haïs ça, le médiéval. Hey, wow, c'est pas vraiment médiéval, c'est comme plein de. T'as une épée, t'as une armor, fuck off, c'est médiéval. Okay, c'est tu quoi, Firestorm? C'est Firestorm, ça quoi, s'appelle? T'sais, un bon petit super-héros au pays. Je pense que c'est Firestorm. Bon. Non, Firestorm. Ben, super-héros, va jouer à DC Universe, il est gratis. Attends, j'ai mieux que ça. Un jeu gratuit Pas de... Sur Facebook. Son jeu de Marvel. Non, non, pas Marvel Lions, c'était écœurant. Pas de jeu Facebook. Je non, mais jeu. Pour de vrai, on avait chanté sur Facebook. Non, non, mais tapeur, là. Tapeur. Des vaches, des bushes, Farmville. Oh. Non, mais Marvel Lions, ça n'a pas rapport avec. Je suis déjà pogné avec des jeux de iPhone, là, des fois, qui sont la même maudite affaire. Là. Mais je me cherche. J'ai cherché sur iPhone, puis ils ne l'ont pas sur mobile. C'est vraiment propre à Facebook. Non, mais c'est plus un petit jeu Steam, là, mettons. Firestorm, là, je te le dis, là, je vais me faire sûr que c'est ça. Mais c'est un nouveau MMO qui sort, qui a l'air vraiment cool, c'est un shooter en plus. Ah, je pense que c'est quoi, tu parles, ouais. Mais il a l'air vraiment, pas plein, c'est quoi le Planetscape ou Planetside. Planetside, là. Ben non, mais ça, c'est un show, ça, c'est Battlefield x20, là. Je me cherche un petit jeu relax d'MMO, genre, mais super-héros, je triperais plus que Midi. Non, mais DC Universe, c'est très bon. Moi, je l'ai joué pendant une couple de semaines, là, puis j'avais bien aimé. Je pense que je l'ai dans le Marvel Lions, je sais que t'as pas ça, mais donne une chance, t'es dans Marvel Alliance, peux-tu faire un super-héros qui vole? Puis voler à l'entour d'une ville. Non. Ça, c'est sur Facebook. C'est... Hein? Toi, c'est Facebook, c'est des cartes, là, genre un jeu de cartes. Non, le pas, jeu de cartes, c'est sur le iPhone. C'est okay, RPG. Ouais. C'est, tu bouges ton petit bonhomme, puis. Ben, c'est. Mettons, t'as un map. Tu fais juste des combats. T'as un map, tu fais des combats, là. T'as un map, puis tu choisis, mettons. T'as High Threat. Tu vois des jeux Facebook. Tu choisis tes héros, tu peux prendre. Tu recrutes des héros. Le jeu de Mel à part, moi, j'embarque sur Facebook, je vois, j'ai des invites de Mel. Ouais, mais moi, fait que je vais checker, j'accepte toutes les choses, j'en renvoie. Là, après ça, je suis comme, là, c'est quoi, faut que je fasse? Je vais dire, fuck off, je vais aller jouer d'autres choses. Ouais, non, mais c'est le fun, vous voudrez. Le jeu que j'ai joué à Facebook, c'est le jeu il y a 6 ans, là, genre, avoir ton zombie qui attaque des vampires, là, pis de la bullshit dans. Ça, je voulais mon zombie. C'était-tu dans le même temps que t'avais un gangster qui attaquait des mafioseux? Genre, là, dans le bon temps. Ah, Mafia Wars! C'est juste moi qui n'ai pas joué sur Facebook. Non, moi, j'ai juste joué au zombie. J'avais mon zombie, je gagne. Moi, pourquoi j'aurais pas un zombie? Essayez-le juste pour le fun, tout le monde à la maison, whatever. Allez sur Facebook, voyez-vous Marvel Alliance? Moi, non, pour de rire. Envoyez-moi des jeux de vêtements à Mel. Moi, j'ai des amis, ils m'envoient des choses. Le pire, c'est que je vais vous faire une confidence, je vous ai bullshité, c'est vrai. J'ai joué à un jeu sur Facebook, puis je l'avais oublié. J'ai joué aux Sims. Es-tu bon, Sims? Ah, ouais. J'ai joué à mon père, il jouait à ça. Puis il venait me visiter chez nous. Moi, j'ai aimé ça. Mais je me suis tanné quand ils ont fait... T'as pas assez d'énergie, fait que demande à tes amis de t'envoyer de l'énergie. T'as pas assez d'amour, demande à tes amis de t'envoyer de l'amour. C'est les attrapes du free-to-play. Là, je recevais tout le temps de l'amour du même gars, puis je trouvais ça creepy un peu. Pour revenir au League of Legends, parce qu'on est rendu dans le Sims. On est rendu dans le creux d'Internet. J'ai recommencé à jouer, puis c'est à cause qu'ils ont finalement ils ont remarqué qu'il y avait bien des douchebags qui jouaient au jeu. Et ils ont commencé à utiliser une mécanique où ce que tu peux récompenser ou voter pour les gens qui sont fins ou gentils ou pas bons. Puis League of Legends, c'est le genre de jeu où c'est que t'es quand même un avatar qui se bâtit. Là. Tu fais pas juste jouer le jeu, mais t'es un avatar qui gagne l'expérience, t'as un record. T'sais, j'ai gagné 2500 matchs, j'en ai perdu 1000, j'étais un bon fucking joueur. Fait que tu veux pas que ça se fasse tâcher, ce rendu-là. Puis là, ils ont commencé, ils ont launché leur nouvelle affaire où ce que tu pouvais finir un match, tu dis « Ok, lui, c'est un fucking trou de cul, fait que tu le reportes comme douchebag. Lui, il est gentil. » Puis le plus de votes que tu reçois de comment bien que t'es au niveau social, ben ça fait paraître bien en avant. Puis ils ont launché ça en... Parce que c'est un pro game. Fait que tu sais, tu vas sur Twitch, justement. On est en train de streamer sur partout, Twitch. Ça. Là. C'est le numéro un jeu sur Twitch. Ouais. Fait que un de leurs pro players qui jouait pour une des plus grosses équipes, il était reconnu pour être un fucking idiot en ligne, pour envoyer chier tout le monde, puis rager, puis péter des claviers, puis tout. Ils l'ont banné à vie. Fait qu'ils commencent leur chose, ils bannent le plus gros douchebag qui montre le mauvais exemple. Il banne à la vie, puis il dit on prend tout ça au sérieux, puis on veut qu'il y ait du bon monde qui joue. J'ai recommencé à jouer, je jouais avec un bonhomme. Je vais peut-être retourner jouer sans joke. J'adore ce jeu-là. Ben, pis c'était bon, c'est ça. Ils ont un jeu, si vous n'avez pas de PC, puis vous ne voulez pas jouer des jeux de même, ou vous voulez savoir c'est quoi, sur le Xbox, tu as le jeu de Lord of the Rings qui sort, c'est Guardian of Middle Earth, c'est ça. Ou est-ce que c'est la première fois qu'ils font un MOBA comme ça sur les consoles? Pas vrai. Ah, c'est console. Ça peut pas rien, des MOBA. Ouais, j'ai joué sur PC un jeu de Lord of the Rings comme ça. Ouais, non, mais celle-là, c'est un... Il y a de la vraiment écœurant. La chose de la tout de même. Ouais. Mais celle-là, il sort mercredi, puis c'est pareil comme un Defense of the Ancients comme ça. Puis c'est bon. Je suis content que j'ai retenu au jeu, parce que c'est un fucking bon jeu. Là. C'est vraiment là, des bons jeux. J'ai, j'ai joué à mes arenas dans WoW, puis j'appelle ça, je dis fuck off, j'allais retourner à ce jeu-là. Puis ça, League of Legends, tu peux pogner ça. C'est free c'est to play. Free to play. Stream, c'est, non, non, c'est pas stream, tu le download. Steam, mais... excuse. Non, il est pas sur non, Steam. Il est pas là, non, okay. Il est directement sur le site. Puis ça, c'est du monde là, qui travaille un peu avec Blizzard. Non, ils sont pas officiels dessus. Ouais, il y a bien des artistes de Blizzard qui ont tombé sur Riot Games. Ah, mais c'est le cool, art style est bon, puis tu sais, le jeu est gratuit à jouer, mais tu commences que tu payes pour. Ça a l'air cave, là, mais quand tu commences le jeu, t'as des skins. Fait qu'on va dire, tu choisis un paladin que t'aimes. Après, avoir ton bonhomme personnalisé, tu vas c'est payer. Ça. Fait que tout le monde, y a un generic bonhomme, mais moi, par exemple, je joue à un personnage qui s'appelle Taric. C'est un okay. personnage que je traite bien raide. C'est comme un paladin un peu support. Ouais. Je peux faire un hammer, tout le kit. Puis j'ai dépensé 15$ pour un skin parce que le dude, là, il est super le fun à jouer, mais il est rose. Moi, tu vois, je l'ai regardé dans le film, moi. Non, mais le rose, je le mets pour troller. Des fois, je veux jouer des matchs, puis là, je mets le rose, là, puis il y a des bottes en fourrure, puis il fait vraiment c'est dur. Cool. Mais t'as le fucking skin à 15$ qui est tout noir, puis c'est dateric, puis il est badass au bout. Fait que là, moi, j'ai dépensé 15$ pour ce fucking skin-là. Puis je vous niaise pas, quand l'autre, le jeu est l'autre, là, tu vois les skins de tout le monde. Tu vois tout le monde qui ont leur skin. Tu ouais. vois, oh, lui, il a payé pour cela. Puis c'est tout des beaux dessins. Mais en c'est plus. Cool, ça, pareil. Ils ont figuré une manière de faire de l'argent là-dessus. Puis des fois, je commence le match, je peux dire, oh, Taric, nice skin. Thank you, I spent $15. Non, c'est ça. Quand il est rose, ben là, tu envoies chez tout le monde. Les gens qui veulent jouer avec toi, Eric, c'est montréalien aussi sur... C'est mon nom de... C'est Priced, P-R-I-C-E-D. C'est mon nom de World of Warcraft, mon nom de médiéval. Tu peux leur montrer comment jouer, j'imagine, si ça a commencé. Je suis très poche, mais je suis très bon avec le gars, Eric, je suis solide. Mon petit cousin de 17 ans, qui est de la Ligue 1600 and up, qui est vraiment bon, il approuve de mon Eric maintenant. Puis je joue avec ses amis. Puis, tout le monde veut que ton neveu de 17 ans pauvre de ce que tu fais dans la vie. Quand ça vient à des jeux de même, là, oui, parce qu'il est bon en Chris, puis c'est tout des petits hardcore, puis les neurones dans le brain à cet âge-là, là, je m'ennuie de ça. Là. Ah, mais c'est cool, ouais, ça. C'est ça. Mais ouais. Ben, merci de l'info, ça me donne le goût. Moi, je vais pouvoir retourner jouer puis essayer d'apprendre merci à jouer. Merci de m'arrêter parce que je continuerai pendant 10 minutes. Ben non, moi, je vais faire ça bien simple cette semaine. J'ai pas grand-chose à dire. Je me suis claqué un road trip. Dans le fond, la semaine passée, je suis parti sur la route sur une balloune. C'était vraiment sur une balloune, cette affaire-là? Ouais, je pensais que c'était planifié là. En avance. Ben, c'était planifié un peu d'avance. Un peu, genre, je pense que c'était deux semaines ou une semaine. Ou, c'est short notice. Ouais, un de mes anciens collègues, il me lâche un coup de fil et il me dit « Écoute, Billy Talent, Buffalo, c'est 23$ le show, ça te tend dessus. » C'est 23$ le show. Hey, 23$, juste vous mettre en situation, ouais, ils viennent au Sandel, puis il est 65$. OK, ils sont avec Sum 41 puis d'autres. Je veux tellement pas 120$ de gaz. Faut pas que je coupe, mais j'ai vu un post sur Facebook aujourd'hui. Un gars, il poste son billet de 19,50 dans le Salem Auditorium en 92, où ce que t'as, je vous niaise pas, Pearl Jam, Nirvana... Oui. Red Hot Chili Peppers. Mais c'est pas au Lutheran de Verdun, là. Wow. Non, c'était à Salem, à Massachusetts. À mais il y a un show à l'Lutheran de Verdun il y a très longtemps. Ça dure ce genre de show-là aussi. C'est dans le même épicness que ça, genre, mais à Verdun. Excuse, je coupe tellement, mais fallait que tu parlais de prix de billets, là. Fallait que... Mais non, mais il n'y a pas de trouble. Mais regarde, honnêtement, là, puis ça, c'est un super bon exemple. Les petites salles, là. Regarde, on est allé voir Billy Talent, j'étais à Buffalo. D'un Buffalo, je savais même pas que c'était à côté de Niagara. Donc, c'est un 6-7 heures de route, mais t'es juste l'autre bord de Niagara. La ville, OK, il n'y a pas grand-chose. Regarde, on était dans un hôtel quand même assez hot. C'est le Adams Mark, ça s'appelle. C'est en diagonale de la prison. Puis d'une église. Pas payé place. Mais tu peux marcher, ça prend 5 minutes, t'es rendu au downtown. Il y a le Shia's Theater, qui est comme une grosse affaire institution là-bas. Il y avait une affaire Black Gospel le samedi quand on est arrivé, je comprenais pas trop. Là. Le show c'est était le dimanche. Black Gospel des personnes de race noire. Ouais, mais tu sais, il était vraiment. Hey, puis là, c'était fou, il était tout shiny. Là, pis t'sais, les... Bien habillé. Quand là, tu vois là, dans les films, là, les dames rock, habillées, là. Là, t'sais, ils ont des sautes, mettons, comme pistache, puis des affaires de même. Pis c'est... Oh, il y avait un gars, il y avait un saut de pistache. La couleur, là, pas que ce là. Milter, il a eu peur oui, pendant 30 secondes. Oui, je peux pas brocher cette côte-là, c'était mais veston-là. C'était débile. Puis, regarde... Ils se sont tapés les mains dans ce show-là une couple de fois. Ils tapaient dans la rue en se rendant, là, tu sais. Mais, super de belle ville, le monde est sympathique, il y a un petit tram, bien des bar and grill. En fait, il y a quasiment juste ça. Mais, tu manges vraiment bien. Tu sais, des bons burgers, il y a plein de microbrasseries. C'est mon genre de ville, ça, le bar and grill. Ah non, mais regarde, tu manges comme un cochon, ça te coûte 10$. Tu manges des wings, il faut qu'on le demande. J'ai pas mangé de wings parce que les wings américaines me lèvent le cœur. Je suis pas grave quand c'est graisseux puis il est plein de sauce. Moi, j'aime les ailes, la cage au sport sec. Là. Sec, pas de viande? Ben, ouais, pas de viande. Il y a jamais un entre-deux. Il y a ça, t'es un os. J'ai des bonnes wings à Montréal, c'est McLean. Même, ça sonne vraiment pas correct. T'es un os dans la sauce. Mais en gros, tu sais. Puis c'était cochon, ça. J'ai entendu bien des rumeurs. Le monde me disait, tu vas aux States, la bière est pas bonne. Attache ta tuque. On a jasé un peu cette semaine. Ça, moi. Quand mais il dit du monde, pas tout seul. C'est moi. Mais non, mais t'es pas tout seul parce que le monde me l'avait dit pendant des années. Puis, écoute, je bois de la Rolling la Rock. La Rolling Rock est un bon exemple. On est arrivé là-bas. Puis, moi, je dirais c'est plus si tu prends la même marque que tu prends ici. Mais toi, t'arrives, t'achètes de la Budweiser ici. Tu vas arriver là-bas, ça va être de la Budweiser avec 3% d'alcool de moins que celle que t'as ici. Ils ont des bonnes ailes douces. Ben, hey, regarde, il y avait de la IPA, il y avait plein de sortes. Le Coulter Bay Grill que je suis allé, c'est dans une petite partie, ça s'appelle Allentown. J'avais mes Ray-Ban, puis le gars m'a traité d'hipster indirectement, me disant hey, je connais un petit coin de ville hipster pas mal, avec un restaurant éthiopien. Puis là, j'ai fait comme. Avec un restaurant éthiopien. Éthiopien, là. Comme ça, t'es hipster, tu manges avec tes mains. Non, non, mais je l'ai regardé, puis j'ai fait qu'est-ce que tu veux dire par hipster. Puis là, il dit non, c'est pas ça que je veux dire. Oh my god, je savais pas que tu pouvais te faire zoner comme ça. Waouh. Mais c'est ça qu'ils font pareil. En Éthiopie, c'est une bonne chaudrée de sable. Tu fais ton hipster, tu manges du sable avec tes mains. Mais on est allé. Tu penses qu'il y a des hipsters qui rentre dans un second cup à Montréal puis il y a une place qui s'appelle Funzo va là-bas là. Probablement mais en gros là, regarde, il y a des hipsters beaucoup là-bas, plein de au Funzo il n'y a pas d'hipsters là-bas. Okay. Non pas ils sont out of stock. Je me disais c'est comme eh boy, t'es pas proche de McGill non plus hein. non le Concordia. Pardon fait que en gros là, regarde, belle ville, Short Billy Talent, j'ai fait une découverte, ça s'appelle Monster Truck. Des opening acts qui te prennent toujours un opening surprise. Act que je pense qu'ils viennent de Toronto, cette bande-là, ou quelque chose de même. Là. Puis ils font. Le gars, il a une voix à la Led Zepp. Ça rock au bout. Il y a un gars qui joue de l'orgue. Comme le Rush. Show sonnait comme une tonne de briques. Là. Hey, à chaque coup de bass drum, tu mangeais le coup dans le chest, tu sentais le vent. Mais ça faisait pas mal aux oreilles. Le son était bien calibré. Monster Truck, leur vinyle, intitulé Don't Fuck with the Truck. Regarde, honnêtement, là. Ça m'a fait capoter. Allez découvrir Monster Truck. Mais il faut que je dise que Milter a sauté tout dessus. Puis tout ce que je vois, c'est le nom de la chanson Lethal Cop Car. Je pense que c'était. Ah oh, oui. T'as plein. Lethal Weapon Cop ouais. Car. En passant, pour les gens qui vont nous écouter, je pense que le site c'est ilovemonstertruck.com. Ouais. Puis ils ont deux albums gratuits présentement que vous pouvez télécharger. Puis il y en a un qui est en vente. Soit je pense que c'est Bandcamp ou iTunes. Puis vous avez une tune exclusive. Mais honnêtement, allez écouter Monster Truck. Right. Si vous aimez le bon vieux rock qui vient vous chercher, là, ça, là, ça brasse. Là, c'est génial. Là. Cool. Donc. C'est juste à cause que Milter il a checké, il fallait que je regarde. Là, pas de trouble. Ah, puis Billy Talent, c'était bien bon aussi. Billy Talent, c'était bien bon. Je peux pas passer à côté de ça. Fallait que tu checkes. J'étais à peu près à 6 pieds du stage en plus. T'sais, c'était au Town Ballroom. Ils ont fait du stage diving sur toi. Ah, ils ont fait du stage. Pas eux autres, non. Mais ils crachaient partout un peu. C'était un peu dégueulasse. T'en as-tu sur toi? Non. Ben moi, ça m'aurait turné off un peu. Mais ça me. Moi, j'ai arrêté de genre à regarder le gars et faire hey, je viens de payer 23$. Pourquoi tu me craches dessus? Pourquoi? Mais. Ça a brassé pas mal, puis juste petite parenthèse, c'est cool de voir un show si tu t'en vois, Billy Talent, l'opening act, c'est Monster Truck, puis dans pas trop long, il y a un show de Naughty by Nature là-bas, puis dans la même salle, c'était un peu diversifié. Métropolis. Ouais, c'est ça. Puis c'était cool. Y avait-tu un Circle Pit? Il y avait un Circle Pit aux États, mais je pense que c'est parce que c'est proche de l'Ontario. Fait qu'il y a bien des Ontariens qui avaient le show. OK, ça fait que c'est des Américains qui. Mais ça a l'air aux States, ils font pas ça, des Circle Pits. Ça a l'air, c'est typiquement canadien. Ils font des Wall of Death. Ça dépend de quel genre. Comme dans Lamb of God. Mais Buffalo, c'est pas une ville un peu. Ben, c'est un. Canadien, américain. Ben, c'est ça, exactement. Tu t'es collé sur Niagara, fait que le monde traverse. Mais non, beau petit road trip. Puis regarde, bien trippé. Rien à voir avec Noël, par exemple, mais c'était bien le fun. S'il y avait de la neige, au moins. S'il y avait de la neige. Ah, j'étais là à Toronto. Feeling Noël, mais... J'étais là à Toronto dernièrement. Puis le gars, je rencontre un gars random dans un bar. Puis il commence à me parler de Toronto. Puis il me demande Toronto, comment est-ce que c'est tellement plus hot que Montréal. Puis il dit, we're going to be getting an NFL team, too, you know? Ben, je suis comme, what? What? Un NFL team au Canada? Oui. Puis là, il dit, yes. It's been 20 years they've been talking about moving the Bills here. Buffalo Bills à Toronto. Tu sais, les moments où tu rencontres quelqu'un dans un bar, tout le monde est en train de jaser, puis tu smiles à nod à ton meilleur. C'est là que tu l'as référé au restaurant éthiopien du coin, juste j'aurais là-bas. Mais moi, c'est ma ligne maintenant. C'est tellement moins hot que mon moi, ça va rentrer. Là, il va y avoir justement les Ray-Ban, les pantalons, la chemise carottée. Là, je vais dire, hey, restaurant éthiopien, coin parc et... C'est sûr que dans le coin parc, tu te trompes pas en plus. Mais envoyez-les au coin. Non, c'est quoi? C'est parc, puis c'est où la place où c'était les Indiens qui kite, là? Ils font juste ça. Ils passent comme son set, son enrue. Une place à Montréal où il y a des kiteux indiens. Ils kitent, puis à la fin de la journée, ils s'achètent de la bière, puis ils se packent la fraise. Juste avoir, là, c'est parce que là, je veux pas être trop racial un peu, mais tu veux dire indien, hindou ou amérindien? Moi, je vais parler d'amérindien. OK, parce que là, ça ne veut tout faire du sens. C'est Laurent et René. Parce que là, je m'excuse. Là, Harpe, c'est ça. Vous étiez tout comme moi. Parce que j'habite dans le coin des Moi, je pensais des hindous. C'est ça, là. On pensait des hindous, mais comme des hindous. Pas ceux qui vendent des Fait que c'est pas mal ça l'actualité cette semaine, hein? Good. Fait que moi, là... je m'imagine juste un coin à Montréal en ce moment où il y a des Indes. Puis tu sais, des Indous qui caillent. Moi, je suis un gros trip Bollywood que vous allez voir tantôt. Puis, ah ouais, toi, j'avoue, t'avais tout. Les images mentales. Fait que là, j'avais les images mentales. J'ai comme des Indous qui caillent à Montréal. What the fuck is this? J'avais dans ce coin-là. C'est pas Slumdog millionnaire. Mesdames et messieurs, le 10 décembre demain, le 9 décembre aujourd'hui, on est dans le mois du... Je vais dire Noël, puis on est le mois de Noël. On est dans le temps des fêtes. Il y a des gens fêtes. Qui disent temps des fêtes. Oui, ben moi, ça marche toute la même parce manière. Parce que Noël, c'est religieux. Là. Fait que si tu dis on est dans le temps de Noël, moi, ça moi, compte pas pour les autres. Moi, je fuck off à tout ça. Moi, je respecte toutes les autres manières de le dire en plus. Ça, temps des fêtes, comme ça, on touche toutes les fêtes de toutes les religions à tout le monde. Mm. Ben, ça, je trouve ça cool, mais de m'empêcher de dire Noël, par exemple. Non. Mais comme Gabriel, je m'en calisse, que les enfants avaient écrit des cartes avec Joyeux Noël et le professeur leur a donné de la merde. Parce qu'on ne disait pas Joyeux Noël. On disait joyeuse fête. Ça, c'est la preuve que ça a fait pogner. Pas elle. C'est pas la preuve que ça a fait pogner dans un film de pas trop habillé, non, ça? Non, c'est pas elle. Parce que ça expliquerait beaucoup, là. Non, c'est ça. Mais non, c'était. Et le mot joyeux Noël, cette école-là, était banni complètement. Ah, oh, j'ai vu personne n'avait le droit d'utiliser le mot joyeux. Personne n'avait le droit d'utiliser joyeux Noël, c'était joyeuse fête. Ça semble, c'est grincheux. Et les parents se sont indignés. C'est très grincheux, là. Mais oui. Mais c'est parce que c'est question de religion, eux autres disaient. Mais les parents se sont indignés, disaient, écoutez, nous, on fête Noël. Et je ne sais pas pourquoi mon enfant serait empêché. Ah non, c'est ça, l'enfant avait été puni. Quelque chose comme ça à cause de ça, qu'il avait utilisé le mot Joyeux Noël. La direction l'avait convoqué, peu importe. Puis la mère s'est indignée complètement. T'as dit... C'est notre religion ici. On ça n'a même pas rapport. Tu sais quoi, je ne joue même pas le jeu de religion là-dessus. Je joue le jeu de tradition. Ouais, mais non, exactement. Il faudrait fuck d'abord... religion, là, tradition, puis accepte si on veut ça, pas là. Perdre trop de download, il faudrait qu'on change épisode spécial Noël par épisode spécial du temps des fêtes. OK, mais pour moi... pas vexer personne. Je vote qu'on fasse ça. On peut-tu dire en cas? Non, mais moi, je vote qu'on fasse ça, mais on n'enlève pas Noël. On fait juste mettre un X, mais transparent par-dessus. Tu sais quoi, j'ai appris. Moi, j'ai quelqu'un dans iTunes. Je peux pas mettre un X ton je peux mettre un slash temps des fêtes. Ouais. J'ai tombé sur un post sur Reddit. Là, la personne s'est fait attaquer par quelqu'un à cause qu'il a dit Xmas. Puis il dit, well, my home, it's not Xmas, it's Christmas. Puis grosse affaire de tu sais, in my country, c'est autre exhaust, hein? Not Xmas. Puis c'est quoi, c'est un rapport? Xmas, en fait, c'est ça la joke, c'est que dans le temps où ce que les chrétiens étaient, on s'entend pas bien apprécié dans le coin. Là, on tombe dans le Mississippi, passé. Là. Non, je te parle, moi, je te parle de 2000 ans passés. Moi, je te parle des Romains, puis je te parle des... Puis, ils disaient, ils ont changé ça à Xmas pour pas se faire savoir qu'ils étaient des croyants de Christ. Fait que Xmas, c'était genre une manière d'éviter la persécution. Fait qu'au lieu de dire Christ, je peux dire X. Fait que l'ironie est là, X. Ouais. En anglais, c'est Chris. Non, mais moi, je dis Noël, parce que faut-tu comprendre que ça vient de toi. Ah, mais ils ça comprennent après un moment donné, ils ont juste remplacé. Fuck le politically correctness, surtout sur on ça. Hey. Moi, c'est Anouka, je m'en fous. C'est un Nixity de bon chum. Anouka, c'est cool. Moi, c'est Noël. Moi, c'est l'affaire des premières impressions qui me font chier. C'est comme tu dis Noël, puis tu écoutes. J'ai dit Noël, mais regarde, tu prends ça, qu'est-ce que j'ai dit pour Moi, je trouve qu'Éric est emballé. Si je connais quelqu'un là, qui capote à l'entendre du mot Noël, là, qui va prendre pas, le bord de mon cercle d'amis. Tant de secondes, c'est pas sa liste, pantoute, c'est juste moi. Quand Alice, on peut-tu sauter? Non, non, non, mais en fait, moi, je l'ai mis, je vais être honnête avec vous autres, je vous ai comme subtilement manipulé un peu, parce que je l'avais mis dans les derniers sujets. Tu me fais penser à quelqu'un, toi. Ce qui fait chier, n'est-ce pas possible de parler de ça, mais c'est les politiques en français. Non, c'est parce que je voulais juste crever cet abcès-là direct au début. Je me suis dit, tiens, on va sortir le Paul Fun. Après ça, on va jaser du Paul Fun. J'ai crever un abcès. En plus, j'ai vu la pueur qui est sortie, là. Fait que finalement, le vrai bon sujet, ben oui, on va parler du temps des fêtes, de Noël, de name it. En école. Mais moi, je voulais qu'on commence, là. Premièrement, là, c'est quoi votre moment historique geek de Noël? Autrement dit, votre moment qui vous a fait le plus triper, là, enfance, moderne, name it. Moi, je dirais, si je peux me permettre de commencer, c'est vraiment cousin-cousine, on attend Noël, on se ramassait des jeux de Super Nintendo, on fait des tournois, on jouait à Rock Band, Guitar Hero, des affaires comme ça, puis c'était vraiment le gros party Noël pendant que les adultes tombaient, là. Je dis ça, c'était en temps, c'était pas ça, ces jeux-là, je peux pas vous sortir d'exemple, parce que c'était pas Guitar Hero quand j'étais plus jeune. C'était Frequency puis Amplitude. C'était Parcheesi puis Non, mais mettons, c'était Guitar Freaks. Des jeux de qu'on clou. jouait, on faisait des games de Mario Kart dans le sol. C'était ça. Puis pendant que les adultes en haut à boire, puis nous on avait du fun en bas, en cousin-cousine. Puis moi, c'est ça mes plus beaux moments de Noël geek. Là. Moi, tu vois, si je peux me permettre, c'est un peu à l'opposé. Puis c'est bizarre, tu sais. Tu sortais des brosses là, pendant que tes parents jouent aux jeux vidéo? Non. Ben, mes parents ont joué aux jeux vidéo quand même, pas pire. Mais. Moi, c'est l'inverse. Tu sais, quand j'étais jeune, je jouais bien gros aux jeux vidéo. Puis pendant le temps des fêtes, tu sais, je sais pas si c'était le même chez vous, il y avait tout le temps la table des jeunes puis la table des vieux. Oui, tout le temps. Eux autres, ils jouaient aux cartes pour pichenottes. Puis moi, je voulais jouer aux pichenottes. Mais je pouvais pas jouer avec eux autres. Puis c'est un moment donné, j'ai pu jouer aux pichenottes avec eux autres. Puis j'ai toffé quoi, 3 secondes? Parce qu'à force de donner aux pichenottes, j'ai mal aux doigts. Tu sais, le moment de fierté, là, tu sais, c'était comme. Gars, viens t'asseoir à la table avec nous autres, là, puis viens t'en jouer au pichinot. C'était comme, cool. Let's go. Puis tu sais, c'était malade. C'était malade. Hey, puis on l'a encore, la table de pichinot, ici. Puis c'est cool, man. Tu peux-tu, pour les non-initiés québécois, expliquer c'est quoi pichinot? Pichinot. Ouais. Hey. Ben, gars, moi, je jouais à Dame de Pique pour du cash avec ma grand-mère. C'est comme une genre de table. Ben, ouais. Ben, c'est comme une table ronde, une table carrée en plastique et en bois. Puis à chaque coin, t'as une poche. Pour dropper du stock, comme une table de pôle un peu. Puis là, dans le centre, tu fais un genre de rond, puis il y a des petits anneaux en bois vert et rouge. Puis tu as un cochonnet. Fait que toi, faut que tu donnes une pichenotte sur le cochonnet. Une pichenotte, c'est quoi? Comme la blanche. Tu donnes un coup avec ton doigt, si là, puis tu fais une pichenotte sur le cochonnet. Puis là, tu casses le cercle, puis là, après ça, tu choisis une couleur. Comme au pôle, tu dis, mettons, ben moi, j'ai vert. Bon, fait que là, faut que tu rentres toutes les vertes de la table avec ton cochonnet. Tu veux-tu pas de l'argent? Tu peux jouer pour de l'argent. Quand t'es jeune, tu ne peux. Très bien répondu. Tu peux jouer pour pas de l'argent aussi. Mais, gars, c'était malade. On jouait au 8 à ça. Puis, gars, c'était des beaux souvenirs que j'ai eus. Puis, ça fait mal aux doigts. Hey, fuck oui. Ça, ça n'a pas de sens. Mm. Tu sortais de la table avec le doigt bleu. Puis, tu jouais pareil, tu sais. Ouais, mais t'as pas le choix. Tu joues de l'argent. C'est pour ça que c'est moins le fun quand il n'y a pas d'argent, ça attend. C'est rien qui finit avec le doigt bleu. Vous autres, messieurs, c'est quoi ce qu'on s'en demande? Je n'ai comme 3 petits souvenirs. Okay. Le premier, c'est en 85, genre, j'avais 4-5 ans, hein, mais c'est ça qui m'a parti, puis je le savais même pas. Ma tante, elle m'a acheté un Nintendo à Noël, puis je suis parti de chez ma grand-mère avec la boîte en n'ayant aucune maudite idée c'était quoi cette affaire-là. Genre, je regardais la boîte du NES, là, puis j'avais même pas de Duck Hunt mélangé avec Mario, là, c'était juste Mario, là, c'était comme au tout début. T'avais-tu Rob? Non, j'avais pas Rob, là, c'était avant Rob, là. Rob, pour ceux qui savent pas c'est quoi le robot, là, le jeu de. Que les Japonais pensaient qu'ils devaient mettre pour qu'on comprenne. Jérômite, le robot Jérômite. Attends, il s'appelait Jérômite. Non, le jeu il s'appelait Jérômite. Jérômite. Oh boy. Il était mais, horrible. En tout cas, moi j'ai eu mon c'était Nintendo. C'était facile là. De peser sur AB toi-même. Aucune idée. Ouais, c'est ça que je faisais moi avec. Je prenais la deuxième manette, je faisais AB pour avancer à la place du robot qui gossait pendant 2 minutes et demie avec ses assiettes de plastique. C'est 10. Mais. Hey, mais ça me rappelle mon code. Robotique à l'UQAM. Non, encore au secondaire. À l'UQAM. C'était quoi? C'était science technologique. Science et technologie. Fait, je programme une usine de construire, ça plaçait des bouteilles. Puis... Ouais. C'était plate. La plate en bas. Imagine quand tu fais juste la regarder et t'attends quand tu te bouges tu le tuyau là, avance. Là. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que ma tante, elle m'a parti avec un S. Je suis parti chez nous, j'avais aucune idée c'était quoi encore. Mon père me l'a plugué le lendemain puis on a parti Mario Bros. Là. Puis, gars, c'est ce qui fait que je joue à des jeux aujourd'hui, dans le fond. J'ai un de mes meilleurs souvenirs de Noël. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand j'ai reçu ma première console à moi. Parce que quand quelqu'un... C'était un Genesis, frère, non, aussi? C'était un Genesis. C'était un Genesis? Non, c'était un Game Gear. Ah, oh, en plus, tout seul à toi dans ta chambre avec la porte fermée, tout le kit. C'était mon Game Gear parce qu'il y avait un gars à l'école qui jouait avec. Il y avait un gars à l'école qui jouait avec, puis j'avais essayé, puis j'avais aimé ça. Puis mon frère avait toujours... À chaque fois qu'il recevait une console à Noël, c'était à mon frère. Moi, je faisais savoir des jeux Nintendo, genre la mère de mon demi-frère qui me donnait, mettons, elle m'avait donné Super Kung Fu. Non, elle m'avait donné Super Kung Fu comme jeu quand même, c'est pas pire, tu sais. Attention, ce Game Gear, il y avait un jeu qui s'appelait Super Kung Fu. Non, je te parle, le premier jeu que j'ai reçu, tu sais, comme à Noël, mon frère recevait des consoles, mais tu sais, des fois, il allait m'acheter des jeux à moi. Ok, ouais, ouais. Puis bon, j'ai reçu Super Kung Fu au NES. Mais que tu veux pas jouer parce que Mais que je fais jouer, mais que je me batte avec mon frère. Pas jouer dans un Game Gear. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, j'ai eu à un Noël, l'année où mon frère a reçu son Super Nintendo. L'année que mon frère a reçu son Super Nintendo, moi, j'ai reçu un Game Gear. Fait que c'était la folie. J'avais mon Game Gear. Je veux pas pisser sur la mémoire, mais Chris, ton frère, il a gagné sur cette bataille-là. Ouais, il a gagné pas mal. Ouais, mais j'ai quand même joué du fun parce que je jouais à Sonic. Non, non, non. Ouais, mais quand t'es en char après, c'est lui qui était en char. Exactement. Il était là. Contre Game Gear. Non. Attends à 2001 pour Game Boy Advance. Joue de ton Game Boy. C'est ça. Joue de ton Game Boy. Moi, j'ai ma console portative avec la couleur. Des graphiques. Lutter ton Game Boy. La subtilité de plugger le 2001 pour le Game Boy Advance. Ça va venir, là, du Super Nintendo portable. Mais j'aurais quand même peut-être aimé plus faire le Game Boy à repenser pour le choix de jeu. Là. Non, mais mon frère, ça t'a déçu parce que j'avais quoi avec des plus beaux graphiques, c'est la couleur. Non, mais c'est ça. J'ai eu le Game Gear pour la même raison. Faudrait pas que ça soit un voyage plus loin que Sherbrooke, par exemple. Ben non, ça serait pas le Game Gear. Non. Fait que je faisais chier, puis c'était bien drôle. Ben là, ça me fait penser à une des premières histoires d'André dans nos premières choses que là, toi, ton Game Boy est mort, ton frère joue toujours à Tetris. Ouais. Hey, la batterie, ça t'a fait 15 minutes. Non, je pense que c'était une bonne journée. Mon père m'avait acheté une affaire que tu vissais en Game Gear derrière. Tu faisais quoi? De l'haltérophilie, ma sœur, déjà le Game Gear, t'as présent. Hey, il devait peser 10 livres, le Game Gear. Déjà mais tout est chargé, ça te fait un bon 3-4 heures. Puis prends 6 batteries en partant. Là. Non, mais c'est ça, l'affaire que tu rechargeais, tu faisais juste te plugger dans le mur. Tu te plugais dans l'affaire, t'avais pas chargé. Ça devait peser 20 livres. Mais c'était cool, ça sauvait beaucoup de batteries sinon tu jouais ça. Le mien, il a pété l'année passée. C'est la paix. J'ai donné. Ouais, mon Game Gear. Je l'ai encore, j'ai 3 cassettes qui traînent sur mon ordi à la maison. J'ai imaginé chez mes parents, puis j'ai jamais vu. Faudrait que j'y vende, genre, à papa cassette. Là, tu pourrais. Hey, non, vends ça sur eBay. Je suis se cache. Si Aline tout de passe vend 200$ là, sur eBay. Ah, mais on s'entend-tu de taper les jeux Tail Spin au Game Gear. Là, tu vends pas ça. Mais tu sais jamais un petit freak là, qui va acheter ça comme Tail Spin au Game Gear. J'ai Tail Spin Tasmania, puis sans si je me trompe. Tasmania venait avec, dépendant du bundle. Tasmania, moi, je l'ai acheté à part, j'ai juste. Sonic, c'est-tu mais... le même Tasmania qu'il y avait au Genesis? Ouais. Moi, je voulais Street of Rage. Mais quelle, la version course ou la version side-scroll? Oui, c'est le jeu. Moi, je vais te répondre avec la version vraiment plate. Ouais. Parce que c'était un des pires jeux que j'ai joué de ma vie, jusqu'à temps que je joue à Tailspin, que je m'ai rendu compte que j'ai dit... Looping, ouais, Looping. Ben, c'est Tailspin, le vrai nom. Looping, c'est la traduction française. Je sais pas c'est quoi qui est français dans Looping. Mais c'était pourri, ce jeu-là. Ça se contrôlait pas, ça se bougeait tout crache, ça avait aucun sens. Le seul bon jeu de Game Gear que j'ai joué de ma vie, c'est Sonic. Il était bon Sonic. C'est bon Sonic. Colombe, j'ai même pas essayé, puis je me suis dit, ça a l'air de Tetris. C'est le Tetris de Game Gear, je l'avais de quoi de bon, là. C'était bon, Colombe. Tu te rappelles pas, tu nous dis que ton père te convainquait que Columbus était plus hot. Tu vois, ça a marché. Ça a marché. 20 ans plus tard, il pense encore à ça. Il est brainwashed à Columbus. C'est drôle parce que les jeux qu'on compare, c'est les jeux que j'avais. C'est Columbus, j'avais Tasmania. Puis j'avais. Ah, le Roi Lion aussi que j'avais. Il était cool, mais il était dur. Le Roi Lion était bon. Mais au Genesis, j'aimais plus les jeux de Game Boy, me semble, plus de petits RPG. Puis genre. En fait, j'avais joué au Bugs Bunny, Birthday Bash. Ouais, c'était différent, pardon. Il était différent. Ben, Genesis, puis Game Boy. Genesis, puis Super Nintendo, étaient pareil. Il était pareil? Oui. Au Genesis. Aladdin, c'était différent. Ouais, ouais. Repartez les pas là-dessus. Vous avez aimé. Je suis avec. Mais, moi, ok, ouais, continue. Mais dans mes autres souvenirs, là, Nowhere, de même, là, j'en ai deux qui sont un peu reliés. Dans le sens que quand j'allais fêter Noël chez une de mes tantes, j'étais avec ma cousine, puis on était deux seuls enfants. Puis il y avait des soirées, là, à toutes les Noëls, on soupait. Il était 8 heures, puis là, on était comme. on veut ouvrir nos cadeaux, là. On n'a rien d'autre à faire, nous autres. Fait que là, nos parents voulaient pas. Fait qu'ils voulaient nous faire gosser jusqu'à minuit pour aucune raison. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on faisait? On s'en allait jouer à Mario Paint pendant 4 heures. Puis on jouait. Des tunes? On a essayé de faire des tunes, mais tu sais, on était plus petits, là. Fait que c'était plus rushant un peu notre affaire. Mais on a eu une couple de débuts pas pire, là. T'as-tu après... attrapé des. T'as-tu pas des mouches? Le jeu de tapette à mouche, là, ça, de Mario bon, Paint, là. J'ai joué comme ça, pas de sens, là, à ça, là. Puis faire des dessins nowhere, là. C'est une main, là. Puis t'es juste la main, là. Plus de manier à grosse araignée, là. Puis tout. Ouais. On jouait à ça à tous les Noëls, puis je pense pendant comme 4 Noëls en ligne. Fait qu'on n'était pas actuel dans les jeux. Là, genre, ma cousine a sorti son Mario Paint. Là. Mais juste, c'est le seul jeu qu'elle avait. L'intérêt général, il y a l'application de création de musique de Mario Paint sur Internet. Ouais, j'ai vu c'est ça. C'est fait, ma mère et mienne compose là-dessus des affaires. Hey, je check sur YouTube des tunes, là, des tunes de Muse, puis de Dragon Force, avec un bruit de champignons, puis tout. Là, c'est fort, là, c'est quelque moi, chose. J'aime ça, moi, les bruits de champignons. Ben ouais, mais quand ils sautent dessus, là, les Yoshi, là, ils débarquent de Yoshi. C'est Yoshi, ça, le ouais. Fufu. Comme tu l'as dit, André, je te l'ai dit hier, dans 5 ans, 16-bit music will be in. Ouais. Mais ça l'a déjà, après le bit show que j'ai vu hier, il n'y a pas de 16 bits encore. Ça va être le 16 qui s'en vient, là. En passant par bit show, il veut dire un show de chiptune, là. Ouais, ouais. Whatever, là. Pas de chip and dell. J'étais confus. Le show de bit que j'ai vu hier. Tout ce que je sais, c'est que j'étais sous puis je dansais à de la musique d'un dude qui jouait sur un Game Boy. Ça, c'est cool. Wow. Ils ont refait une tonne de Wham. Ah ouais? Il n'avait pas hier, il y a Fort Boyard aussi. Il y avait Fort Boyard. Hey, le gars, il a starté son setlist avec la toune de lancer compte en chiptune. Wow. C'était épique, là. C'est nice. Pendant qu'on jouait à Jenga. Ben, tout se bien d'être plugué, ce chose-là, si on était là. Là en passant, la gang de Toy Company. C'est passé date, fait que achetez-vous des billets en ligne. Non, mais Toy Company. Ils sont là chaque samedi. Ils font des événements. Ils sont là chaque samedi à Fuzo. C'est à tous les semaines, OK. À chaque samedi, il y a un Resident DJ qui est là, je pense, son 6. Mais hier, c'était un événement fait par Toy Company. Je pense que c'est toycompany.cc, leur site web. La scène de chiptune locale, dans le fond, c'est vraiment ces gars-là. Là. Puis, salut Jérôme et Francis. Là, puis, salut, merci Jérôme pour la soirée Francis. D'hier. Puis on paye pour bon, nos pichets, là, puis on dit ça de notre cœur. Allez là. Oui, c'est ça. On n'a pas eu de gratuité ou rien. Là, puis on est allé, puis on a trippé d'aplomb. Je ne suis pas encore allé, mais j'ai le goût. Non plus. Je jouais à Top Gear 2 hier en écoutant du chiptune. Puis, si vous parlez du monde, je joue à Jenga, tu peux pas battre ça. Top Gear 2, c'est dans celle-là qu'il faut Top Gear. Top Gear, excuse. C'est celle-là, faut que tu. Non, c'est ça, je m'allais. Rien dit. Paraîtrait que tu t'es fait battre à NBA Jam aussi. Oui. Oui, hey. Mais on a joué un match NBA Jam complet parce qu'on avait parce que tu sais c'est un 25 cents par corps. Ouais, ouais. Mais il y avait un 25 cents l'arcade. Tu peux jouer un match complet. Mais on jouait, fait que tu jouais à l'arcade, puis André m'a battu, ça je le donne tout de suite. Mais t'avais un midget dans ton équipe pareil. Là. J'avais un joueur chinois ou quelque chose, j'avais peut-être le plus puis petit. Puis pas Yao Ming là, tu sais un vrai chinois. Là. Mais jouer à NBA Jam sous avec des speakers à côté de toi, avec du chiptune qui joue dans le tapis. C'est peut-être le NBA match Jam? Le plus intense dans ma vie. C'était quel NBA c'était Jam? C'était cool, NBA. Le Tournament Edition. Ouais. Ouais. OK. Ouais, ouais. Mais c'était marrant. D'abord, là, je le sais, fait que je vais checker mes codes la prochaine fois si je vais là-bas avec vous autres. Puis je vais juste checker pour jouer avec une mettre tête les grosses de bonhomme. Têtes ou... les têtes ouais, en mascotte, vrai, hein? Là, puis ces affaires-là. C'est vrai. Parce qu'avant, j'y savais tout par cœur quand j'avais un arcade direct à côté de chez nous. Là, fait que c'était... C'était-tu un 2-22? Ben c'était un Daniel Amusement avant qu'il soit fermé pour drogue et réouvrir en 2022. Il a été à un coin de rue de chez c'est nous. Ça, fait que, ah, moi, mais c'était toutes des passes à dope, les arcades. Ouais, c'est ça, c'était tout, c'était, on était tous du monde clean. Là. Moi, le soir, je partais, je fumais mon joint en marchant jusqu'à l'arcade, puis je m'installais en jouant à Soul Edge, genre, puis WrestleMania, The Arcade ouais. Game. Puis tous les autres petits jeux écœurants d'arcade, je jouais pas genre à Daytona USA et tout. Mais gars, on était tous clean. Là-bas. C'était où que tu prenais? C'était-tu chez Daniel Amusement que tu prenais ton starter non, de party? Rien. J'avais déjà ça ailleurs, puis je marchais, puis là, j'arrivais là-bas, puis yeah, pendant une heure, j'étais correct. Puis je jouais à Dance Dance Revolution ou le jeu de skate là, à l'arcade. Ah, là, c'était bon quoi, ça? Air Ride, je pense. Ouais, non, Air Ride. Ben, c'était bon. À un moment donné, tu faisais le tour, cool, tu clac-clac-clac-clac des gros. Je travaillais au Goodzo quand j'étais un peu plus jeune, puis un moment donné, j'étais tombé assistant gérant, puis j'avais la clé de la place. Puis j'avais la clé des arcades. Puis là, les journées, je rentrais travailler, mettons, j'ouvrais le cinéma, je rentrais un heure plus tôt, là, puis je claquais un heure d'arcade, là, non-stop. C'était malade. C'est ça. Ma mémoire de Noël. La mémoire de Noël. Tu restais-tu un point? C'est un autre, lui. Il m'en restait une, c'est vrai. C'est, j'ai hâte, là. Non, non, mais c'est pas parce long, j'ai coupé la dernière fois, puis je fais de j'ai aussi, là. J'étais très, comment dire ça, antisociable, genre, quand j'étais jeune. Puis je m'emmerdais beaucoup dans les parties de famille parce que... T'étais un Nine Inch Nails dans ton coin. Non, non, mais c'était même un peu avant ça, genre, là, mais c'était mon genre, là. Mais toute ma famille faisait des affaires, ils dansaient, puis moi, ça me tentait pas de danser, puis tout. Puis quand c'était chez un autre de mes tantes, ça, dans le fond, lui, son chum, il avait une petite salle d'ordi, genre, à lui, dans le fond, là, dans du sous-sol. Puis il venait m'installer, genre, je me souviens, Prince of Persia, l'original, le vieux, à l'ordi, puis moi, je passais ma soirée là, là puis ma mère venait me voir de temps en temps, comme, t'es-tu correct? J'étais comme, ah, dérange-moi pas, là, je joue à Prince of Persia. C'était là où est-ce que tu l'avais joué la première fois? La première fois que j'ai joué, c'était là, puis... Je m'en rappelle, t'avais dit que tu l'avais joué, ouais. Mais je m'en rappelle pas, c'était Noël, c'était ça, dans ses, les parties de Noël, ils me mettaient tout le temps des jeux, puis comme je disais dans la dernière fois, là, genre, il y avait le livre, puis il me disait, quand t'arrives à une place, là, appelle-moi, je vais venir te trouver le bon signe à rentrer, puis tout. Cool. Puisque lui, il avait des copies, puis il faisait des photocopies de ses feuilles, puis... Qu'on jouait à Laser Suit Larry l'autre fois. Là. Moi, c'était avec Nick. Moi, j'ai l'anthologie, mais ça fait des années. Puis là, j'ai plus le manuel d'instruction. J'ai le vieux CD dans ma pile d'Abandonware, tout le kit. Alors, sors ça, installe. J'étais obligé de faire runner ça dans Scum, tout le kit. Pars le jeu, je suis tout fier. On start le stream. Puis là, il te pose un paquet de questions, mais pour identifier si t'es assez vieux. Fait que tu sais, il te pose des questions d'actualité, des questions genre, tu sais, à quel âge tu devrais prendre ta première brosse, si ton chum fait telle affaire. Laser Suit Larry. Crème, je suis rendu à 30 ans, je réponds quelle question. Année, puis... J'adore les tactiques d'antipiratage de 92. Ben, c'est bien meilleur ça. Fonctionne ouais. Encore. Hey, j'ai pas pu jouer. J'étais bafoué ben raide. J'ai dit à Nick, je dis pas Google, là, m'a dit la question, puis trouve la réponse. C'était malade. Puis à Star, ils te mettent du DRM puis des affaires dans la même. T'inquiète. Non, non. Puis tout le pose-moi monde des questions pareil, d'actualité. C'est un temps Call of Duty. Tu sais, mettons, là. OK, pour vérifier que c'est pas une copie de Call of Duty puis que t'as bel et bien 18 ans, nomme-moi deux hits de RBO. Tu sais, c'est comme, my God, OK, tu sais, t'as un paquet de bonjour monde, la là, police, faire, puis les feux sauvages de l'amour. Non, ouais. Tu sais, I want to point. Le Crastillon. Bien égorgé. La famille Snorro. Le tour du monde. Non, non, mais le Crastillon, c'est parce qu'il fallait qu'il soit toujours bien égorgé. OK, ouais. Il y a drogue, hein. Ouais, ça c'était Ringo Rinfret. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que effectivement, les copy protection dans le temps, ça avait bien c'était plus bien d'honneur. Plus pas le Grand Cru, ça. Ça, c'est le Grand Cru puis le Grand Cru 2. Le Grand Cru. C'est pas ça que ça s'appelait les deux albums de Rick Abbas. Ah oui. Oui. Il y a Sous la douche, me semble aussi. Ouais, bon. Avec, je me souviens pas. Rick? Oui. Toi, ton souvenir? Ton souvenir, oui. Ben, j'ai tout un peu pareil, les souvenirs où que, avec mes cousins et cousines, où ce que. On a joué à Nintendo 64 en gang avec les parents et tout, mais plein d'histoires comme ça. Mais moi, mon Nintendo, je l'ai pas eu à Noël. Faut que je dise, Milter, comment est-ce que tu as eu ton NES? C'est un peu épique comme histoire. J'aime l'idée. J'aime la visualisation de toi dans le char avec cette boîte. J'ai aucune idée. Tu savais pas c'était quoi, là. J'avais aucune idée. Moi, le chapeau à ça. Il me disait, c'était vidéo game, mon père. Je sais même pas de quoi tu parles. J'adore. J'avais jamais vraiment vu ça. Moi, j'ai c'est la meilleure histoire ever, ça, là. Ok, mais moi, mon Nintendo, je l'ai demandé, puis je l'ai eu pour ma fête, puis je l'ai attendu pendant un an de temps. Puis c'est un cadeau de divorce de mes parents, parce que mes parents étaient divorcés. Fait que ma mère qui me donne ça pour me rendre heureux. Anyways, mon Nintendo, je l'ai eu. Mais le Noël, mon premier Noël avec ce Nintendo-là, je vais chez mes grands-parents à Sturgeon Falls en Ontario. Puis il y avait une place où tu pouvais louer des jeux. Puis je m'en rappelle, je vais louer des jeux. Puis mon Nintendo, je l'ai eu avec Mario, Super Mario Bros. Puis Mario 2. Nice. Mario 2, je l'avais déjà fini en dedans d'un mois ou deux. Fait que là, ma fête est au mois de novembre. Fait que là, on est rendu dans le temps des fêtes à Sturgeon Falls en Ontario. Je veux me louer un jeu. Puis là, j'engage là, puis je regarde une cassette noire avec un top jaune puis un bas gris. Puis quand c'est quoi cette cassette-là? Puis là, je dis, c'est Mario avec une queue, ça. Puis là, Mario le gars 3. Est comme, ouais, c'est Mario. On Mario a, avec une c'est queue. C'est Mario 3 qui a été importé du Japon. Qu'il louait là-bas en japonais. Puis tout le monde qui a trippé Nintendo japonais, dans cette année-là. Eh oui, ah, Mario 3, là, on l'avait reçu très de bonheur. Puis le monde l'importait ici dans le tapis. Un de mes chums l'avait à cassette, là, puis je me rappelle, c'était comme. Ben, je dis ça, un de mes chums. Moi, je le connaissais pas, le gars. Le gars qui habitait mais c'était le gars qui habitait sa rue, puis qui avait ça, puis qu'on était tout le temps chez eux. C'est sûr. Mais moi, c'était une Mario-là, là, c'était une surprise. Je devais finir le 2. J'aimais Mario. J'étais, j'avais trippé Mario à l'arcade, mon seul. T'as fini le 2? J'avais fini le avec l'animation de Mario qui dort, c'était un rêve. Spoiler pour ceux qui n'ont jamais fini Mario 2, ben, spoiler, quand tu rebrandes un jeu qui n'est pas Mario, tu es tous bien de le faire dans un rêve parce que c'était pas bon. Non, j'ai wow, c'était le meilleur. D'après moi, c'est un des meilleurs ever, mais quand tu vois l'histoire de ce jeu-là. C'était qui les petits ninjas roses avec des masques blancs? Mais c'est ça l'affaire, c'était tout dans un rêve. Puis le Mario 2, c'était un jeu Miyamoto, mais c'était pas un Mario. Ouais, non, c'est ça, c'était le petit bonhomme arabe, genre. Sautait, là. Ouais, mais il avait fait un jeu japonais, puis c'était, je m'en rappelle pas c'était quoi le titre exact, mais il avait ensuite pris ce jeu-là pour ici, puis il l'avait fait en Mario 2. Mario tu à la place. Mais Mario 3, ben plus winner, Mario. Comprenait absolument rien. Tout écrit en japonais, mais c'est pas compliqué. Quand c'était écrit en japonais, t'avais trois cases, puis c'est comme là, je crois que j'ai un cadeau, fait que tu sais, tu t'en foutais. Ouais, non. Mais j'ai joué ce jeu-là, là, je tombais endormi avec la manette dans les mains. Jusqu'à temps que j'ai fini pendant le temps des fêtes, là, j'ai adoré ce jeu-là. J'ai tombé en amour avec tout ce qui était Nintendo, puis Mario, puis jeux vidéo. Je m'en rappelle ce moment-là. C'est cool, ça. Parce que j'ai eu avant ça, l'année d'avant, mon Noël, c'était un Noël TurboGrafx. Parce que avec Bonk? Moi, j'avais fait une mise TurboGrafx. Parce que tout le monde, là, tu sais, dans les jeux vidéo, là... Non, l'année d'après, c'était la mise de TurboGrafx. Ah, parce que si t'as eu un TurboGrafx 16 avant Nintendo 8-bit... Non, mais TurboGrafx 16 est sorti en même temps avant le Genesis. Mais en même temps, à peu près. Mais tout ça pour dire que Mario 3, là, c'était... Ça, c'était une des meilleures heures de Noël. L'année d'après, c'est ça, c'était même. Il y avait eu Baby Mario qui était comme Mario 3 aussi, tu sais, que t'as trouvé pas dans le japonais aussi, ça, puis tu gonflais les bébés, t'as fait ses checks, puis tu fais du gâteau, il y avait des tableaux, c'était juste du gâteau, tu marchais dedans. Puis on aurait vu Baby Mario dans Yoshi's Island. Ouais, ça c'était cool, ça. Mais tout ça pour dire que, en plus, ça a fait mon été d'après un petit peu spécial, parce que là, l'été d'après, c'était l'été où Mario 3 sortait. Puis c'était un des premiers. Ça, c'était un des premiers gros launches. Fait que t'avais rien à jouer, dans le fond, toi. Non, mais je loue The Wizard pendant que j'étais chez mes grands-parents. Je regarde The Wizard. Puis là, je suis comme, mais là, je le connais, ce jeu-là. Hein! Je peux me baisser sur les briques blanches. La flûte aussi, si tu vois la flûte là-dedans. Ça, c'est le genre de pouvoir que juste un autiste de même peut découvrir. Si je me penche ici 10 minutes, là, genre, ça va faire je vais passer au travail puis je suis dans le décor. Ouais, personne n'aurait pu savoir. Il était tellement bon à Rad Racer. Qu'est-ce qu'il fait qu'il peut découvrir ça? Il est autiste. On l'a-tu vu? En passant, je pense à ça. On le voit-tu se baisser sur chaque brique avant? Non. Le blanc, il comprend. Lui, il a fait c'est blanc, je me penche. Il y a un code Morse code qui dit ça, puis lui il l'a catché. C'est un film autiste. C'est le mot magique à retenir quand t'écoutes ce film là. C'est pas eux autres qui sont forts comme un taureau aussi là? Dans le cerveau, oui. Ouais, mais même physiquement. Non, c'est les sourds qui sont forts. Oui, hey, puis ça, je niaise pas. Les gens qui sont sourds, là. Faut-moi pourquoi. Je sais même pas pourquoi. C'est Russell Peters qui a fait une joke là-dessus. C'est un humoriste aussi. Ben, c'est ça, mais j'ai dit, je vais faire des recherches. Il niaise, il déconne. Puis lui, il dit, tu sais, non, c'est vrai. Man, apparemment, justement, que fouille-moi pourquoi, ils sont prédisposés à... Ils n'utilisent pas Louis ou je sais pas trop ils quoi. Ils n'entendent pas les muscles pétés pendant qu'ils font ça. Fouille-moi, je sais pas, mais regarde. Je check ça, là, je doute. Là, je vais l'écrire ici. Anyway, si tu as le doute, fais-toi-en pas. Comme à chaque émission, quand on dit quelque chose, Internet nous corrige. J'ai une autre petite mémoire weird de Noël, puis ça a rapport à mon Noël de TurboGrafx, parce que j'avais... Comme je te dis, j'avais mis. Il a duré longtemps, cette Noël-là? Non, mais c'est Noël d'après, là. Parce que là, je m'en rappelle, il y avait des passes dans les mailles. Super Nintendo n'était pas sorti encore, mais tu avais le Genesis puis le Turbo. Puis NEC, eux autres, ils avaient fait des événements dans des malls partout, ce que tu vas essayer tous leurs jeux, puis il y a des compétitions. Puis moi, je sautais des cours d'école juste pour aller dans le mall de Saint-Laurent, à Ottawa, puis aller essayer tous les jeux du Turbo. Puis là, je disais, c'est ça que je veux. Fait que là, pour ma fête, je pogne le TurboGrafx 16 à Noël. Comme que c'est tout le temps, je pognais la console à ma fête puis les jeux à Noël. Je pogne Bonk's Adventure. Puis oui, je te l'avais dit, Bonk's. Le petit bébé caveman avec une tête gigantesque. Mais je trippais autant sur Keith Courage et Alpha Zone qui venait packaged in. Ouais. J'adorais ça aussi. Mais le jeu, quand j'ai joué à Bonk's, j'ai eu un moment weird. On a déjà eu des déjà-vus. Ouais. Mon premier déjà-vu ever... C'était ce soir, ce jour, matin-là, parce que j'étais tellement excité que je monte en haut, puis je plug ça sur ma télé 13 pouces noir et blanc. Oui, j'étais pris avec ça. On parle de 80. Non, mais c'est bien correct, ça. Je l'ai dit là avec. T'avais ta TV direct en partant. Je me rappelle juste mettre. Moi, déjà là, j'étais pas mal winner. je mets le jeu dedans, puis le déjà vu, là, first ever de ma vie, où ce que ça me pogne tellement, ce que je suis comme, oh, fuck, j'ai déjà tout fait ça, oh my god, qu'est-ce qui se passe ici, j'ai déjà fait ça, pourquoi je fais ça deux fois? Puis, ouais. Puis j'ai appris pourquoi qu'on fait des déjà vus. T'as un œil qui va plus vite que l'autre, non. C'est bien ça, moi, me semble ça, j'avais entendu. Ton cerveau, là, il pète. Il lâche des petits pets des fois. T'as la mémoire court terme, puis t'as la mémoire long terme. Des petits? Hein? Des petits pets. Moi, ils ont des méchants gaz des fois, mon cerveau. Fait qu'à chaque temps en temps, t'es là, puis ton cerveau, il glitch. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, tout ce qu'on voit en ce moment, ça rentre dans la mémoire court terme, c'est en train de s'embarquer dedans. Puis à chaque temps en temps, ta mémoire court terme, qui est sur record un peu, elle va aller, hop, je marche pas, puis ça va feeder direct dans ton long terme. Mmh. Fait qu'à cause de ça, ça clique, t'es comme, oh my god, j'ai dit, pour que ça revienne. Là, t'es comme, oh my god, qu'est-ce qui est arrivé là? J'ai le voir ça. C'est à cause que ton cerveau long terme, il est comme, ben non, ben j'ai déjà fait ça. Ça me le fait souvent. Hey, le pire, c'est que ça a du sens, c'est pareil. Là. Ouais, mais moi, c'était un peu ça que j'avais entendu, mais tu sais, dans le sens que tu vois un peu plus vite, comme si tu vois plus vite d'un bord, puis boum, ça. Non, c'est ton brain. Ça fait deux fois même info. Vous seriez surpris comment est-ce que notre cerveau, c'est aussi cool qu'il est, il est très défectueux. Ouais. Il joue des tours tout le temps. Comment est-ce qu'on là, on s'est rendu à ça avec Noël, c'est bon, désolé. Mais non, c'est bien quand même. J'ai déjà vu de bon. Pendant qu'on parle des vieilles consoles. Je pensais des vieux cerveaux. Non. Mon plus grand frère nous a amené une console. J'avais peut-être 16 ans, fait que c'était avant le GameCube, peut-être. C'était une console avec. CD. Dreamcast. Video. Non, pas Dreamcast. C'est quoi? Trudio. C'est ouais, ça. Panasonic. Beatles Encounters. J'avais Rodeo dans ma tête. Mais Sewer Shark. Panasonic 3DO, c'est la console de EA. Sans être la console de EA. Ouais. OK. Vous savez, le jeu Parapet de Rapper. Ouais. C'est cette première console-là. Il y avait King of Fighters, puis rien d'autre de bon. Il y avait Rival Rage. Sewer Shark. Sewer Shark, mais c'est un re-release du jeu. Je dis que personne n'avait joué sur le Sega. Way of the Warrior. Premier jeu de Naughty Dog. Ouais, c'était bon ça. Puis c'est ça. Mais ça, je n'ai pas d'autre que ça. Le détail, King of Fighters. À des gens, là, tout le monde sait comment EA, c'est une grosse compagnie. Quand est-ce qu'ils vont faire leur propre console? Ils se sont déjà essayés puis ça a planté. Ouais. C'était la 3DO. Ouais, parce que le fondateur, Trip Hawkins, de EA, c'était le premier, lui, dans les années 80, quand EA commençait avec Mule et tous leurs gros jeux, c'était le premier à dire, OK, mais quand on fait des jeux, on va avoir des executive producers. On a des writers. Il n'y avait pas de rôle désigné encore, mais c'était le premier à commencer à désigner des rôles de production de films et de jeux, de films et de musique pour des jeux. Puis quand il est parti EA, ben c'est lui qui a fondé tout ça. Puis il a décidé de quitter, de partir de 3DO. Puis c'est pour ça, quand tu regardes le 3DO, il y a plein de jeux de EA au début. Là. Shockwave, le nouveau Madden, le nouveau FIFA, tous les nouveaux jeux de EA, ils sortaient dessus. Puis ça a planté, puis on va jamais revoir une console. Ben, c'était le prix, il n'a pas aidé beaucoup. Mais moi, je pense, je trouve ça correct qu'ils ne se rassaillent pas à faire d'autres consoles. On en a deux, trois. Là, ben, c'est quoi, ils font c'est en ce moment. Ils font en ce moment dans la forme de Origin. Parce que les Steam me prouve en ce moment que ça va être une nouvelle console, ça. Les genres de feed direct de jeux comme ça, là, c'est le futur, ça. Oh, il me semble qu'il y en a une couple de monde qui s'essaye, là, c'est un site comme la Mini Wii que j'ai vu, qui c'est ça, n'importe c'est un quoi. Fail, ça. Il n'y a même pas de Wi-Fi là. Mais ça n'a aucun sens, d'après moi, de sortir une Wii portable. Il l'aurait sorti l'année passée, complètement win. Mais là, il sort. Avec la là, Wii U là. En plus, d'après moi, c'est juste pour en vendre à du monde qui ne trouveront combien pas la Wii U. Combien de kids va se réveiller à Noël? Je t'ai acheté la nouvelle Wii. Wow, ouais. Merci. Le kid, il ouvre ça, comment? Mais c'est quoi, c'est portable, mais tes manettes, puis tu danses pareil? Non, c'est une petite Wii qui a le top-down, c'est comme un top open, puis tu mets ton disque dedans, puis c'est juste une Wii, puis t'as pas de Wi-Fi dessus, t'as rien comme c'est ça. T'as pas de... C'est quoi l'autre machine, là, qui est sur Kickstarter aussi, là, qui va être tout en... Mais Android. Ouais, c'est un Ouya, par exemple. Comment? Ouya, tu sais, il y a ça, j'ai vu aussi la nouvelle petite machine qui est genre 70$, qui est Sega, Super NES, puis NES en même temps. Ah, ça, c'est les Retron, ça, c'est déjà en vente. Mais c'est cool, ça, tu sais, mais en même temps, c'est... Ouais, mais c'est cool pour remplacer le hardware qui se fait plus. Parce que t'as du monde, ils ont les cassettes. Ça, c'est sûr. Ouais, mon ami, elle a ça. C'est Super Nintendo puis Nintendo. Ouais. Puis ça marche super bien. Il y en a un avec Sega aussi, à Star. Il y a les trois dedans, j'ai vu. C'est cool, ça. Parce que c'est 70$. Ça vaut à peine. Moi, je suis quand il avait commencé à sortir les manettes avec les jeux de Genesis dedans et tout. Fuck, man, j'en ai vendu de ces choses-là. Là. J'ai commandé. Ça, ça là, a fait puis... un boom, puis après ça, on est tous restés pognés avec ça. Ben, ça a fait un. Ben, des places qui ont été pris avec, c'est parce qu'ils pitchaient pas bien. Mm-hmm. Parce que, my God, ça, ça se pitchait des fois. Là, tu voyais une femme perdue, qu'est-ce que tu veux? Puis, achète ça. Là, ils le prenaient. Ouais, ben, c'est un cadeau de dernière minute, mais qu'ils en refont plus. Ils feront pas ça pour toujours, là, juste une manette. Mais non, moi, je trouvais ça cool. Il y en avait avec NHL, Mortal Kombat aussi. Mortal Kombat. C'est une manette de Genesis que tu branchais direct dans tes lignes, mais qui avait des jeux de Genesis genre. Dedans. Ah, ouais. Spécial. Tu peux les personnes de notre âge sont plus impressionnées de ça qu'un kid, je pense. Ah ouais, ah non, nous autres, on voit la manette de 300$ avec les jeux à 25$. Ah non, c'est ça, là. Là, là, moi, je veux qu'on parle de quelque chose. Oh. On va parler du meilleur et du pire cadeau. On garde ça court, par exemple. On garde ça court. On fait ça vite. Ouais, parce qu'on va... Moi, je veux vous starter ça. Celle-là, faut que je la compte, est excellente. Ça fait déjà plusieurs années de ça. C'est tes parents? Non, même pas. Je fréquentais une demoiselle, puis... Cadeau d'une blonde. Commençait à devenir sérieux, puis tu sais, c'est comme... C'est ta blonde, c'est Noël, tu sais, ça fait un an et demi que t'as fréquente, puis... C'est le deuxième Noël. Fait que là, tu reçois ton cadeau. C'est ce que je pense. J'ai fait la mathématique. Non. Fait que tu reçois ton cadeau. Puis là, écoute, la boîte est impaisante. Puis là, t'es en dessous du sapin. Puis tu sais, t'es un gamer. Tu tripes sur un paquet d'affaires. Dans le temps, tu joues de la musique pas mal aussi. Puis tu te quittes. Puis c'était. Ça fait un an et demi que t'es avec la personne. Tu te dis, cette personne-là, elle me connaît. Puis ça va être cool. Puis. Pogne le cadeau. Puis tu déballes ça. Puis regarde. En tout cas, je me surprendrais qu'elle écoute. Puis ça, elle écoute. Mais regarde, j'ai aucun problème avec ça. On avait commencé à jaser de s'en aller peut-être en appart éventuellement. Ah, oh, du cookware. Puis il y avait un peu de friction. Excuse. Fait que tu sais, j'ai fait comme... Ouais, OK, ben là, j'hésitais un peu. Tu sais, j'aimais bien, puis je savais pas je voulais partir en appart. Fait que je prends le cadeau, puis là, je fais... Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quand même assez pesant, puis toute la kit, puis... Écoute, chez nous... Je pensais que c'était... Mais c'était... Il pensait que c'était plein de moi, choses qu'il voulait. Moi, je pensais, là... Honnêtement, là, je pensais que ça aurait été peut-être juste un jeu ou des pédales de distorsion, puis ma guide dans le temps, on disait, faisant même, puis tout. Là, j'ai la boîte dans les mains. Puis là, je fais, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Mais chez nous, on a une tradition, c'est que, ben, tu sais, je dis chez nous, mais gars, c'est super banal au Québec. T'emballes le cadeau dans la boîte de qu'est-ce que c'est pas pour faire une ouais. Tu ouais. sais, mettons, regarde, je te donne des trois chiffres d'une boîte de capote. Ouais. Tu sais, fait. Comme joke, là. Un porte-à-faire dans une boîte d'Imodium. Ben, oh, ça serait bon. Je veux pas de cadeau de Mel ever. Fait que là, je pogne le cadeau, puis là, j'étais avec mon père, ma mère, puis ma blonde d'antan. Puis je déballe le cadeau. Puis tu sais, mon père, je voulais compter tantôt moqueur un peu, puis toute la quitte. Puis là, je déballe le cadeau, puis la face me drop, puis je fais « Qu'est-ce que c'est ça? » Rick, t'as parlé de cookware, puis t'es spot-on dessus. Loin, ouais. Non, mais c'est parce que je suis marié, fait que je m'imagine ouais. le cadeau ben, comme c'est ça, ça. Fait que tu vas donner une chance. Batterie cuisine. OK, batterie cuisine, Milter. Hein? Une friteuse. Ah, une friteuse, non, OK. Ouais. Mandoline. Une mandoline. Oh, la boy. Guitare, là? Non. Mandoline non, pour couper les légumes. Moi, puis les légumes. Ça mange pas. Même pas de gras là-dedans. Malgré que l'item que j'ai reçu, il n'y aurait pas eu de gras non plus. C'était un George Foreman Grill. Oh, shit. J'aurais aimé ça, avoir ça. J'en veux deux. Non, mais moi, je rouvre ça. Puis là, mets-toi dans ma situation où je fais comme. T'as pas fait une phase de content. Non, mais j'ai fait un stick qui est bonne, la joke. Puis là, je rouvre le cadeau. Puis c'est un vrai George Foreman Grill. T'es carré ça, moi j'aimerais ça de vrai. C'est comme un mini barbecue. Fait qu'elle, tu as dit que tu pensais que c'était une joke? Non, mais moi je vois la boîte, je pense que c'était une joke. Là, d'un, je fais le cheap, de deux, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, George Foreman Grill? Chérie! Là, t'as mon père qui est en arrière de moi, puis qui me sac une claque dans le dos, puis il fait, hey, c'est pas pire ça, hein? Worst cadeau à vie. Honnêtement, là, regarde, écoute, j'avais quel âge? Yeah, début vingtaine. Je veux-tu avoir un George Foreman Grill? Come on! Non, à la limite, à cet âge-là, j'aurais eu un micro-ondes, j'aurais été content. Ça fait avec des pizzas pochettes, tu sais, regarde. Un George Foreman Grill. Non, mais un moment donné, là. Puis le pire, c'est que, tu sais, c'était pas donné, ça, là. Elle a dû payer quand même pas si pire pour ça. Sauf, tu sais, moi, quand je reçois un petit four pour faire cuire la viande, que je peux garder le jus d'un verre par après, là. Tu sais, non. Non, ça, c'était le pas mal le pire cadeau que j'ai reçu de ma vie. Je m'excuse, regarde, je n'aimerais pas à personne. Puis si tu écoutes, je suis désolé, mais c'est c'était comme le moment de pression. Non, mais c'était de la pression pour genre, hey, serait temps qu'on fasse le move pour habiter ensemble. à la limite, achète-moi une carte cadeau chez Bruno Martineau. Qu'elle, non, elle veut se servir, tu sais, genre, c'est genre, ah, c'est va te donner de quoi qui va nous servir, hein. Pas je pense à toi ça. Là-dedans. Tu sais, c'était comme, à la limite, tu sais, non, mais à la limite, tu fais ça, mais tu donnes un petit quelque chose en la scène. Ouais, quelque chose de fun, là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis c'est pas que je suis matérialiste, mais au contraire, c'est plus comme, si t'es pour acheter de quoi... Fuck, fallait pour le symbolisme, autre que le symbolisme personnel, que qu'est-ce que moi je veux. Tu sais, c'est comme, garde, j'ai eu des blondes dans ma vie là, qui aimaient pas ça les jeux vidéo, là, puis j'allais pas leur acheter un Xbox à Noël en faisant comme, hey, quand il m'a te montré à jouer aux jeux vidéo. Ouais. Ouais. Faut que je te suive parce que mon pire cadeau, c'est un petit peu dans la même attitude, mais mon pire, c'est ça, on est dans le pire. Ouais, on est dans le pire. Là. Dans le pire. Ouais. Mais je reste, moi, d'un, j'ai plein de cool cadeaux, j'ai pas eu vraiment des mauvais cadeaux dans ma vie. Mais un cadeau, c'était un bon cadeau finalement, mais mets-toi à ma place. Toi, c'est un peu le contraire à toi. J'ai 7 ans. OK. Je suis chez mes grands-parents. Je reçois toujours des jouets. Je reçois tout. Tu sais, t'as ton brain là, seté pour des cadeaux. 7 ans, c'est le temps de recevoir ça. Même. Pour George Foreman Grill. Ben, exactement la même affaire qu'il y avait André, à moi, à 7 ans. Jour, t'as reçu un George Foreman Grill? J'étais en tête chez mes grands-parents, c'est le cadeau de ma grand-mère. Easy Bake Oven. Ma grand-mère, ouais, j'achète. Ouais, non, j'ai pas Easy Bake. Ouais, mais pour 7 ans, c'est ça que t'as reçu. Tu fais des muffins avec une ampoule. J'ouvre une belle grosse boîte, pareil comme André. Je suis tout excité. Je suis comme, oh, une grosse boîte. Je suis là, oh, ça shake. Moi, je pense He-Man, je pense G.I. Joe, je pense Transformers. J'ouvre, puis c'était une grosse boîte. Quand je l'ouvre, là, la première affaire que je vois, c'est une machine à popcorn. Puis c'était une grosse machine à popcorn, tu sais, dans le temps où ce que t'avais... Ouais, les beiges, là. Ouais, mais c'est pas... Mais j'avoue qu'à 7 ans, c'est... Moi, j'adore. Moi, je comprenais pas parce que c'était quelque chose qui allait dans la cuisine. Tu sais, c'est quelque chose... C'est ça, ouais, c'est quelque chose qui va dans place à maman. C'est, quelque chose qui ne pas dans place. Dans place à maman. C'est ça, tu sais, c'est... Mon cerveau, ça marche pas. Mais où ta mère? Dans la cuisine. Dans la cuisine. C'est wow. Ça, pareil, dans que le temps. Qu'est-ce que tu veux, hey, à 7 ans, tu penses des choses comme ça. C'est vrai. Va demander à ta mère, elle est où, dans la cuisine? Je sais pas. Là, je m'en rappelle, la première affaire que je fais, c'est que je pense, comme toi, qu'il y a quelque chose d'autre dedans. C'est une joke, là. Fait que je suis là, genre, ah, cool, là, je l'ouvre tout de suite, là, je... Fuck, c'est vraiment une machine à popcorn. J'ai mais avoue fuck, que, mais... tu sais, la seule j'ai différence... J'ai utilisé en crise cette machine à popcorn. Elle avait l'affaire du perfondre le bois. Ouais, ouais, j'avais la même. Sa boîte, il y avait des enfants dans la machine à popcorn, c'est tout ça? Sûrement, ouais. J'avais cette machine-là. La seule différence entre nos situations, Eric, c'est que si toi, t'aurais dit fuck ou t'aurais agi piste, t'avais 7 ans, moi, j'aurais fait ça à cet âge-là. J'ai plus la wild card de faire « Ah, il est jeune, t'sais, c'est normal, il comprend pas. » Ouais. Moi, ça aurait été vraiment comme trou de cul. À 7 ans. Ouais. Moi, mon pire cadeau, je m'en souviendrai toujours. Mes parents, un des cadeaux qu'on avait à Noël, nous avaient acheté chacun un CD chez Archambault. Puis les deux, mon frère et moi, je sais pas. Il a laissé le prix, fait que tu sais non, que ça. Non, vraiment pas. C'est juste des petits cadeaux qu'on donnait à. C'est Daniel Desnoyers, toi. Non, mais j'aurais même eu ça. Elle m'a dit, ben franchement, ma mère m'a donné toute contente le premier CD de Britney Spears. J'avais 13 ans. Je commençais à écouter genre du Nirvana, non, le fond de ma mère. Ça, okay, puis ma mère m'a donné ce CD-là en sachant très bien que j'écoutais pas ça. C'est peut-être une joke de ta mère? Non, je l'ai ouvert, mais puis t'es-tu contente? Ta mère était-tu abonnée au Séjour? Non, sûrement, oui. Elle l'a acheté en tout cas. Vous aviez-tu une période difficile qu'elle t'haïssait, genre? Je pense que oui, je pense qu'elle m'a envoyé un message parce qu'elle m'a regardé, t'aimes-tu ça? Ouais, ben c'est ça. Ma face, elle comme. J'avais 13 ans. Elle t'aimait pas. Elle t'aimait pas. J'avais 13, 14 maximum, mais j'étais encore. Tu sais, j'étais comme. Ma mère, ça, j'écoutais du punk dans ma chambre, c'est du punk qui jouait là. OK? Puis j'ai regardé, j'ai fait. Elle t'aimait merci. Juste pas en tant que. J'ai vraiment une face de merde. Puis mon frère aussi, il avait un CD de merde. On s'est demandé qu'est-ce que c'est vraiment. C'est toi qui avais eu ton frère, si toi t'avais eu Britney Spears. Je sais plus c'est quoi le CD qu'il y a eu, mais c'était de la rendre la merde. Les deux, on est restés bêtes. 98 degrees, genre. Non, mais une affaire de merde de même. Ouais, tu veux faire chier un gars. Il était venu à mon école secondaire, 98 degrees. Pour de vrai, Chris, quelle école t'allais? Horizon Jeunesse. Comment c'était ton école secondaire? Fouille-moi pourquoi, moi, le monde. Québec, c'est le terrain de. C'est le chanteur, le chum de Jessica Simpson. Mais c'est là que tu catches pas. Puis maintenant, tu sais, moi, le monde à l'école, 98 degrees, 98 degrees, puis justement, moi, Offspring, puis t'es. Quoi? Qui est ça? Pourquoi vous capotez? C'est quoi qui se passe? Qui, ça? Non, mais ça va être le mari de Jessica Simpson, puis on va avoir un show de télé-réalité. Ouais, c'était quoi son nom? Nick Lachey. Nick Lachey. Lachey. Ouais, Lachey. Ouais. En tout cas, c'est ça mon cadeau de marde. Je m'en souviens toujours parce que j'en venais pas quand même à ma naissance. Je sens très bien que c'est pas ça que j'écoutais, puis que j'arrêtais pas de bitcher. C'est quelqu'un, Britney Spears! Puis qu'elle m'achète un CD à Noël de Britney Spears, j'ai vraiment rien compris. Moi, mon cadeau de marde, ça fait 25 ans que je le reçois chaque année. C'est quoi? Pas par du monde, pas par la même personne, sauf qu'il y a tout le temps une personne par année à peu près qui s'essaye, puis il m'ajoute du linge. Ça, puis, c'est tellement touché. Hein. Pourquoi? Tu sais, la seule personne qui est capable un c'est peu, c'est ma blonde. Ta mère peut passer à ça. Ma mère, comme elle va le faire. Si quelqu'un qui peut passer mais... la carte de cadeau de linge, c'est la mère ou ta femme. Ouais, mais elle fait pas tout le temps le bon choix. Ma blonde, au moins, elle sait qu'est-ce que j'aime. Puis elle va m'acheter un t-shirt avec un zombie dessus ou que, genre Wolverine. Là, un ami de travail qui t'achète du linge comme des bobettes, non. C'est weird. Non, ça, c'est encore. Ça, c'est malaisant. Surtout quand ils sont mangeables, ça. Mais, là. Ça tâche, puis tout. Mais là, oui. Ça poigne dans le poil de poche. Mais tu sais, c'est. Non, mais du linge. À tous les ans, achetez-moi pas de linge. Au pire, donne-moi un certificat cadeau pour une place. Qui vend du linge, puis je vais trouver ça moins épais parce que je vais aller moins le choisir, puis tu sais, je vais faire mon affaire. Là, l'année passée, Addition L, t'avais pas aimé ça. Ben, gars, ça, je fit pas là-dedans, moi. Là. Mais en tout cas, il y a tout à quelqu'un qui m'achète du genre une chemise blanche, là, tu sais, puis c'est comme, come on, je mets pas ça. Je m'habille juste en noir en partant. Pourquoi tu pensais que je mettrais une chemise blanche? Ah, ben moi si j'achèterais une chemise blanche, ça serait vraiment drôle. Ça serait spécial. Ça serait spécial. J'ai une cravate à Milters, une belle cravate. Là, une cravate, je trouve ça moins payé. Mais une petite chemise. En tout cas, du linge, achetez-moi pas ça. C'est... Toi, je m'attends d'en avoir d'autres cette année. Là. Fait que nous autres, on se vide le cœur sur nos pires cadeaux. Toi, tu fais une alerte générale à tout le monde qui écoute. Ça fait 25 ans que je reçois ça au moins à chaque année. Là. Depuis que je suis assez vieux pour me rendre compte que c'est un cadeau de marde, ben j'en reçois. Alors, ça, c'est dompé. Ma mère a. Honnêtement, zéro goût. On n'a aucun goût en commun sur rien pantoute. Puis à 14 ans, elle a compris de ne plus m'acheter de linge parce que, genre, je pétais une coche en elle, je me disais, ouais, écoute-moi, j'ai ça, c'est gars, c'est là, je ne le mettrai pas. Mon Dieu, elle est vraiment contente. Elle a compris à 14 ans, elle a arrêté de m'acheter du linge. Jette-moi pas ça, puis, je vais être content. Même sur plein d'affaires. La musique. Musique, linge, style. Je dis, man, à moins que tu veuilles que. Mettons un électroménager, ou pas un électroménager, mais un petit électroménager, un petit électroménager comme une machine à crème glacée, whatever. Ça me dérange pas, je sais que je vais l'utiliser, mais autre chose que ça, elle m'a donné de l'argent. Oh, ça fait 10 ans qu'elle me donne de l'argent, merci, bonsoir. C'est déjà moins de trouble. C'est ça, sachera ce que tu Mais je reçois beaucoup des bonnes affaires, comme en même temps, je peux parler pour mon meilleur cadeau, vu qu'on a tout fait le tour. Là. On le fait en éclair, par exemple. Ouais, mon meilleur que j'ai eu, c'est un Super NES. C'est l'année du Super NES, le gars. Moi, c'est mon chalet Barbie. Capoté, là. C'était fou. Pour moi, j'ai passé, je pense, les 36 heures après l'avoir ouvert à jouer. J'étais couché devant Mario World, là. Puis à cette heure, j'ai fini Mario World en 1h15 avec 96 étoiles, là, puis la petite étoile miniature dans le menu, là. Mais avant, j'ai joué 36 heures, puis j'étais même pas à moitié du monde, puis je capotais. Fait que c'était mon meilleur. J'en reçois plein d'affaires hot à tous les ans. Là. Ma blonde, elle m'ajoute tout le temps des Marvel Zombies, puis des cossins weird de même, là, puis des petites affaires. Mais Rick, ça, c'était mon plus GT hot. Avec un speedomètre. Un Est-ce GT que je vois qui loin, glisse là, dans la neige? Là? Avec un speedomètre dessus. C'est que c'était hot, ça. Mais un speedomètre ça, dessus. Ça, j'ai jamais vu de speedomètre. Un GT? Wow! Tu sais, les trois skis. Ah, skis, OK, hein. Ouais. Ah, GT, ça va loin, hein? Moi, j'en avais un avec Brettle. Sa boîte. Il y avait Brettle. Qu'est-ce que Brettle fait? Je sais pas, mais c'était comme le commanditaire de Noma qui faisait les GT. Ah, boy. Puis, je sais pas, j'ai eu ça. Là. Mais Noma faisait pas d'équipement de hockey aussi? Peut-être. Mais André, non, elle a dit. Oui, je l'ai dit de vite, mais c'était un chalet de Barbie qui se repliait en valise. Je pouvais transporter ma maison de Barbie. Cool. Ça, c'est. Je pense que c'est. J'ai souvent d'autres jours depuis que j'ai reçu, mais de ce que je me souviens. C'était comme les goûts des Ninja Turtles pour nous autres, genre, recevoir ouais, ça. Ouais, genre, mais tu vois, ça, j'avais autant de fun. Sauf qu'il était vraiment pas transportable. Mon frère, justement, j'avais autant de fun. Il y avait, en passant, il y avait le camion de pizza qui lançait des pizzas sur le top. Ah, ouais, c'est jaloux un peu. Ouais. J'ai jamais eu. Moi, je vais relancer Milter. Un Super Scope. T'as eu ça? J'ai eu ça. Oh, oui. J'ai aimé ça. Il était cool en Christ. Il était vraiment cool. Le Super Scope. Juste bon, jeu de robot. Là. Tu sais, mon oncle en avait un. Je pense qu'il venait avec. Ouais, là. Mais c'est le seul que je me souviens. Parce que tu te battais contre les robots. Ouais, là. Ouais, ça volait. On a joué à ça. Je jouais avec mon oncle, mon père, ma mère. Tout le monde, le Super Scope, là, c'était débile. Là. On jouait à côté. Surtout quand tu les voyais dans Mario, le film. Ouais. Moi et Mario, le film, on connectait. C'était ce moment-là que... Tu t'es senti proche du Contrairement au Power Glove, le Super Scope, Power c'était Glove, fait par Nintendo. Ouais. J'ai jamais connecté avec le Power Glove, même si je l'avais sa main. Hein. J'ai essayé de jouer à Punch-Out une fois avec ça. Hein. J'ai capoté. Programmer ça, c'est de la merde. Rick, non? Oui. Rowdy Rator. Ben, Rator. Faut que je dise, je vais te faire manette d'or. Ouais. Schlock, j'ai tombé endormi dessus halfway. Je l'ai encore. Je te promets que je vais le finir. Pas de trouble, t'es pas obligé. Mais c'est vraiment à poche. Oui. Mais c'est comme. Puis je suis pas souvent que je dis qu'on fait mes poches. Mais tu sais, c'est le fun. J'aime qu'il est conscient qu'il est poche. Puis c'est un hommage. Puis l'histoire en arrière du film, il est le fun. Mais il est vraiment à poche. Rowdy Rator, par exemple. Rator! Wow. J'ai commencé, là, j'ai tellement aimé là, que j'ai fait mon Milton, j'ai pris plein de notes. fait que la première affaire que j'aimerais dire, c'est que d'un, savez-vous que Bollywood, c'est plus vieux qu'Hollywood? OK. Non. Le premier film de Bollywood, c'était en 1897. Mais ça s'appelait-tu de même? Non. OK, je disais, ils ont changé le nom par après. Le premier film à Mumbai commençait en 1899, tandis qu'à Hollywood, le premier film sortant de Los Angeles, Hollywood, c'est 1911. Fait que quand tu le regardes comme ça, c'est cool. 15 à 20% des films de Bollywood sont un succès financier. Le reste, c'est de la merde. 15%? Il en fait en tabarnak des films, là. Les films de Bollywood, ils ont la plus grosse audience au monde. Bon, mais il y a plein de monde là-bas. 3 à 4 milliards vues comme écouter des films Bollywood à travers la planète. Wow. Ils ont officiellement surpassé Hollywood en 2004. Okay. Fuck pas le chien avec Bollywood. Wow, quand même. j'ai des affaires là, parce que je capote trop sur l'industrie. Un film en 1933 de Bollywood est sorti. Ça tient encore le record mondial pour le plus de chansons ever. Dans 71 un film? Chansons chantées live dans un film. Combien qui dure de temps? Le film, ouais, j'ai pas checké, mais c'est pas le plus long parce qu'il tient aussi le record pour le plus long film ever. C'est un film qui dure 4 heures et 25 minutes. Puis ce film-là, c'est vu comme le film le plus long ever. Il doit chanter tout le long. Puis il y a bien du chantage dedans. 71 tunes, faut que tu chantes de A à Z. Fait que c'est moi qui ai une comédie musicale, et là, je me tire une balle dans cette salle. Ça, c'est mes petits faits de Bollywood que j'ai aimé, que je voulais commencer. Puis ça l'ajoute bien, parce que Rowdy Rator, tu sais, de ces temps ici, il y a bien des gens qui se font chier sur les remakes. Les remakes, là... C'est un remake, Rowdy Rator? OK. Fait que t'as entendu mes statistiques sur Bollywood, là, hein? Le premier film de Rowdy Rator, qui s'appelle Vikram Markoudou. Markoudou, comme Sylvain Marcoudou. C'est toujours... L'as-tu vu Rowdy Rator, toi, André? Tu l'as écouté? Je l'ai skimé, man. Okay. Non, mais c'est parce que j'ai vu le trailer, j'ai écouté les fight scenes, puis je t'ai donné le film. Il y a deux fight scenes dans un film de 2h30, fait que commence pas là-dessus. Moi, je l'ai tout écouté, ce petit film-là. Deux fois même. L'autre fois, j'ai skimé. Le premier, je l'ai écouté complet. Prendre des notes comme faut. J'ai passé à travers deux bouteilles de vin avec ma femme, puis on a bien ri. Puis on a ta femme a trouvé ça comment? Elle a bien aimé ça. Ah, mais ça, mais c'est ma femme, elle aime ça, des films cheesy un peu. Puis je m'excuse, mais tu sais, c'est drôle, des films de Bollywood, quand tu y penses. Puis c'est très conscient que c'est tata, puis c'est cheesy, puis ça a des jokes plates. Puis ma femme, elle aime, tu sais, 10 Things I Hate About You. Fait que fais ça avec du dansage, puis du dramatique. Le seul Bollywood que j'ai vu, si on peut appeler ça Bollywood, c'est Slam Dogs Millionaire. C'est ça que j'ai vu. C'est pas Bollywood, non? Ça c'est. C'est quoi son nom, ça? Non, c'est pas non, Finch, là. C'est le gars de Trainspotting, là. Ah, ouais, je sais pas. C'est quoi son nom, si? J'ai des blancs de mémoire de même, ça me fait plaisir. En plein, quand je viens de fermer mon ordi, en plus. Ouais, ben en tout cas, c'est le même réalisateur de tous ces films-là. Je sais qui tu veux dire, mais. Ouais, ok, en tout cas, on va pas faire du dead air pour ça. Danny Boyle, ah, ouais. Bon. Fait que ça, c'était un Danny Boyle, puis c'est un hommage au Slumdog, puis il y a juste une chanson chantée, puis c'est à la fin, ça. C'est vrai. C'est un petit peu un clin d'œil à tout ça. Mais ma femme, elle aime ça, puis on trippe indien un peu. Moi, ça, ma première affaire que j'avais écrit, là, c'est que c'est les fucking indiens, ils fucking rock, ils sont fucking awesome, deal with it. C'est le peuple le plus cool qui existe sur la planète. Mais c'est vrai, c'est quand je vois à l'indien, chez nous, ils sont tellement drôles. Ça, là, c'est tellement... Tu sais, quand ça vient à bon peuple, tu sais, tu peux parler, là, on va parler... Tu dis des Russes. On peut parler ces Russes pendant 15-20 minutes. On peut dire des affaires, sont dures à cuire. Les Chinois, on peut dire des choses sur Chinois. Toutes les gens de les Indiens, trouve-moi quelque chose, ces Indiens. Dis-moi quelque chose. Ils sont vraiment bons avec les ordinateurs. Bon, toi, Amel, dis-moi quelque chose de méchant, ces Indiens. Puis on peut pas aller sur la propreté. Hey, c'était pas méchant, j'aime ça, moi, le monde. J'aime ça. Mais là, tu sais. Ils sont pas d'odeur, j'ai rien à dire. Propreté, là, je veux pas dire odeur, mais je veux dire comme c'est quand même un gros peuple qui a un milliard de population. Il y a du monde qui vivent dans. Ils ont pas la même sens que le lavage de main avec le fumerel. Non, mais moi, j'ai travaillé avec 200 hindous. C'est pas de leur faute, parce que c'est par rapport aux épices qu'ils mangent. C'est juste la bouffe qui est dégueulasse. À part ça. Non, la bouffe, c'est carrément. Non, mais je dis l'odeur, la bouffe. Non, c'est parce que t'as pas mangé les bonnes affaires. Ben, moi, j'ai pas dit je l'ai mangé, j'ai juste senti. Les Indiens, j'adore. Moi aussi, j'avais une répugnance totale contre l'Indien. Oignon badgie. Ah, moi, c'est juste le... En tout cas, fait que ma femme a aimé le film. Good. Deux bouteilles de vin, on a passé... Pas le choix, c'est 1h40 fucking minutes, le film. Fait qu'une bouteille de vin, c'est pas assez. 1h40 minutes, puis comme André dit, il y a deux scènes de combat là-dedans. C'est pas 140 ça, là. Minutes, pas 1h40. C'est 140 minutes. Mais ça, c'est 2h20. Je sais, j'étais gentil, j'arrondis ça. Ouais, mais OK. Alskiman, c'est 1h40. Mais c'est 140 minutes. Par être gentil minutes. Puis arrondir, il veut dire bullshitter. Ouais, c'est ça. Non, je l'ai vu. Non, on ne dit pas que tu l'as pas vu. Non, moi, je l'ai vu. En plus, là, comme André dit, il y a deux scènes de combat. Après 1h10, à peu près, tu as la première scène de combat. Puis je vous niaise pas, tu es là, puis tu regardes la scène de combat, c'est cool. Mais Chris, ça coupe après, puis il y a une intermission. Il y a carrément le poster qui apparaît, intermission. Pareil comme dans un opéra. Ah, ils ont copié sur Tarantino. Mais, je suis sarcastique, là, Internet. Mais j'ai pas le choix de m'imaginer là, que ça finit, ça. Il y a quelqu'un qui sort. Là, ils sont là, c'est comme l'intermission. Là, t'as tous les Indiens qui sortent et qui mangent des samosas, des affaires comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font pendant l'intermission. Je m'imagine pas des bouteilles de vin comme qu'on voit. Mais pas ta main, c'est ta face comme ça. Allez, je me sens. C'est une vraie intermission qu'ils font? Oui. Au cinéma, il y a une vraie intermission. C'était juste dans le film, genre une joke. Non, au cinéma, il y a une intermission. Ça, c'est de la merde, ça. T'as-tu des théories, toi, de qu'est-ce qu'ils font dans l'intermission? J'ai pensé au samosa, je veux pas que ça soit raciste. Moi, je vais juste vous dire une affaire. En quantité de monde qu'il y a là-bas, il doit y avoir un line-up aux toilettes, c'est certain. C'est sûr. Puis le pire, c'est que la moitié des toilettes, c'est pas des bols. T'es comme un trou dans la terre, puis tu te torches avec la main gauche là-bas. Puis ça, je fais juste. Moi, je pense à Idiot Abroad, le pauvre gars, il est à. Puis c'est sûrement juste en rural, là. Mais en tout cas, on va pas aller. Fait que le film, finalement. Je dérange pas trop là-dessus. Non, là, tu vas commencer sur Roddy Rator. Le film est 140 minutes, vous allez me donner 15 minutes pour ça. Là. C'est clair. Là, le film, il est très cheesy. En tout cas, j'ai vu une réalisation aussi, le Bollywood moderne, du dernier 25 ans, 30 ans. C'est clairement une industrie de films qui sort des centaines de films par année inspirés par des clips vidéo de Michael Jackson des années 80. Ouais. Ah, oh, mais c'était quoi? C'était Golemort avec Chiru? Ouais, ben lui, ils ont tout Chiru, fait. Chiru, ils ont tout fait. Ben, Coco Nag. Lui, il est big là-bas, là. Ah oui, Chiru, ben, c'est superstar. C'est tout le temps ça, là. C'est Tom Cruise. Puis j'adore ça, j'adore le dansage dans tout ça. Il court tout le temps quand il danse. Fait que je m'en allais dire sur l'affaire des remakes, on chante ces remakes. Mais j'ai commencé, là, j'ai dit, c'est quoi que j'avais dit, là, jusqu'à... Bon, quand tu dis « on chiale », c'est « remake », c'est pas mais nous autres, par exemple. Okay, ben, autres, on aime ça, les remakes, d'habitude, les cartes, ça. Là, c'est ça, je parle. Mais à chaque sur fois... Sur Internet, ça chiale. Si l'Internet nord-américaine, comme qu'on la connaît, contrôlée par Google et le gouvernement américain, ouais. Chiale des remakes... On c'est va plus Conspiracy Keanu, man, c'est Conspiracy Eric. Ouais, c'est ça. Toi, tu deviens mémé à partir de demain, man. Mais tout ça, si tu penses à ça, c'est comment il y a un remake à 20 ans. OK, Roddy Rator, premier film 2006, c'était le film Vikramudu, whatever. 2009, refaite une fois encore, Veera Madakari. 2011, refaite encore, Sirutai. C'est toujours la même histoire, c'est toujours un gars. C'est un reboot, là. C'est toujours une réinvention de cette histoire-là. Mais c'est un acteur différent? Toujours un acteur différent, toujours une compagnie de production différente, toujours filmé dans un autre... C'est comme leur grosse histoire à eux autres, là. Ben, depuis le dernier 5-10 ans, en tout cas. 2011, Sirutai, ça j'ai dit. Là, prépare-toi à Roddy Rator, il est sorti en 2012. Mais en même année, il y a eu un autre film, c'est la même histoire, qui s'appelait Vikram Singha. Le remake la même année. Fait que le remake la même année. Tout ça pour dire que Roddy Rator, c'est un des plus gros succès quand même du dernier 20 ans mais de Hollywood. C'est-tu l'original que t'as écouté ou non, c'est le nouveau récent. Le plus récent remake. Le plus récent avec un acteur très très très cool que j'ai vraiment appris à apprécier. Son nom c'est Akshay Kumar. Je le pense vraiment. Là, il y a comme... une solide moustache, hein? Il y a, ben, dans Roddy Rator, il y a une moustache, mais normalement, parmi ses 100 films qu'il a fait dans le dernier 20 ans, il n'y a pas tout le temps de moustache. Hey, c'est... Attends un peu. 100 films en 20 ans. C'est pas tout. Il y a un délai quoi de 6 mois par production? 100 films dans le dernier 20 ans. C'est 5 par année. Oui, c'est 2 mois pour faire un film. Mais on n'a pas fini. Eux autres, là, ils dansent, ils chantent. Ouais, on n'a pas fini. Là. Ils animent Fear Factor India. C'était cool. Fait que c'est le Joe Rogan de l'Inde. Et il y a un podcast. C'est pas fini. Il anime Masterchef India. Ah, ça, c'était écœurant. Hey, non, mais il est partout, là. C'est qu'ils font. Puis il est écœurant. Moi, je le vois, là, quand tu le vois agir, là, je pense vraiment à un Jean du Jardin indien. Là. C'est ça que j'ai pensé à. Mais il était drôle dans les bouts que j'ai skimé. Il était pissant, le non-verbal. Moi, j'ai pas skimé une affaire de la manette d'or que tu m'as fait subir sans même l'avoir subi toi-même. Mais j'ai vraiment aimé ça. Non, non, mais le but, c'était de faire découvrir des choses aux gens. Pas obligé de découvrir. Il y a une petite note aussi que j'aimerais dire, puis là, après ça, je vais te dire qu'est-ce que j'ai pensé du film. OK, good. C'est moi, je fais des résumés de trois pages. Quand le film commence, tu sais, on voit le FBI warning, là. Ah, ouais. Mais au début de ce film-là, on dirait carrément que c'est comme un FBI warning, mais c'est écrit sur papier, signé à la main par un gouverneur quelque part à Mumbai. Ils ont scanné la feuille. Puis ils ont fait une photo avec une caméra digitale, puis ça dit genre de pas copier en hindou, mais ben, c'est vraiment là, cheap au bout. Je sais pas si c'est le gars qui a copié le film pour Nick dans India Town, je sais pas. En tout cas, qui a mis sa photo. Qui a mis... Tout au début de film, il c'est met ça, sa feuille. C'est ça, je suis pas sûr que c'est ça. La petite Inde, hein, on aime ça. Bon, fait le film. Le film. C'est qui, Roddy Rattor? Roddy Rattor, c'est dans les six remakes, c'est toujours un genre de con artist. Qu'il tombe en amour. Un faux soyeur. Un faux soyeur. Un arnaqueur. Un crosseur. Un crosseur qui éventuellement se découvre. Ouais. Il se découvre un maître de la crosse. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il tombe en amour avec une femme, le maître de la crosse. Vraiment, t'es allé là? Ben là, ben, je sais pas comment dire. Le maître de la fapping. On parle d'un maître de crosse juste avant de tomber en amour avec une femme. Fait que chaque version de cette histoire-là, c'est le con artist qui tombe en amour avec une femme. Puis, il y a un body, là, c'est un sidekick un peu. Puis, c'est un crosseur aussi? C'est un... Oui, ça, c'est... les deux, c'est des crosseurs. Y a-t-il une conscience pour y dire, écoute, reviens vers le droit chemin? Ils ont toujours une conscience de arrêter un moment et danser, chanter sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ensuite, ils comptent. Puis, Roddy Rattor, il y a la séquence au début, il est en train de compter l'argent du dernier con qu'il a fait avec son buddy. Puis là, il y a une policière qui arrive. Puis, aussitôt que la policière, elle arrive, il est là, puis comme, qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent-là? Là, Roddy Rattor, si vous regardez la pub, ou si tu as vu la pub, ou si tu as vu des scènes, il fait un genre de non, tapage de main. Oh, excuse, il faut que je le fasse. Mais il commence une tombe, puis c'est la chanson Chinta Tata Chita Chita, que tu entends au moins 10 fois dans le film. Numéro 2 ou 6 à 6. Quand il commence à la chanter, il séduit. Fait que la policière, il a séduit, puis elle tombe en amour avec les sauts, avec le cash, en tout cas. Tout ça pour dire... OK, elle laisse la policière? Ouais, c'est un charmeur, ben, sauve... en plus. Non, ben, elle se fait charmer par son drum roll, puis la chanson. Puis là, après ça, elle se fait charmer, puis après ça, il saute, puis là, il chante, puis il y a un music video pendant 16 minutes. J'aime ça. Bon, ouais. Mais là, ça va là. Mais le Roddy Rattor, où le gars, il rencontre, il tombe en amour avec une fille. Fait que là, tu sais, je vais pas aller dans les détails, mais il tombe en amour avec la fille. Elle sait pas que c'est un crosseur. Attends, est-ce qu'ils dansent puis ils chantent pour exprimer leur amour? Oui, bien okay. Sûr. Quel genre de question, c'est ça? Mais non, mais écoute, faut supposer que c'est comme si on parle d'Expendables. En dansant et chantant. Non, mais tu réalises, André me pose des questions comme si on écoute Expendables, puis est-ce que tu des explosions? Ouais. Y a-tu du monde qui ont été tirés? Y a-tu des gros pipes partout? En tout cas, l'expression faciale d'André, elle se transmet pas bien ses micros. Les vieux pipes. Surtout pas ses webcams, je suis caché par mon micro. Toasté! Fait que le gars, il tombe en amour avec la fille, puis après ça, il trouve une petite fille, puis la petite fille, elle pense que c'est son père. Puis elle tombe en amour. Non, lui, après ça, elle, la fille, elle pense que c'est son père, puis lui apprend éventuellement qu'il a de l'air comme un gars qui s'appelle Vikram Rattor, qui est un super-héros, qui bat du monde. Puis Vikram Rattor, lui, se fait tuer au dernier combat avec l'intermission. Puis Roddy Rattor doit imiter lui pour sauver un village qui se fait supprimer par des méchants indiens. Que j'aime des films Bollywood, les méchants, c'est des indiens. Tu sais, j'étais un gros tripeux. Ah, c'est pas l'autre minorité. Non, mais moi, j'étais un tripeux de films asiatiques puis kung-fu. Puis les méchants, c'est très souvent les blancs. Ouais. Puis à chaque fois que je regarde ça, je suis comme... Un riche blanc qui fait de la merde au Japon. Là. Mais on est de même. Les Brits, c'est souvent eux autres les méchants, finalement. Ouais. Les quoi? Brits? Ouais. Ben non. Les Britanniques, c'est des espions, peut-être comme James Bond. Ouais, c'est des Allemands, sont les méchants. Ils sont culturés, les Brits, là, tu sais. Culturés. Fait que le film, l'histoire, je veux dire, je vais pas aller trop dans les détails de l'histoire parce que je trouve qu'est-ce qui est plus cool, c'est le monde Bollywood, dans tout ça que j'ai plus découvert. Mais le film est très bon, puis les remakes, tout ça, c'est très cool. Mais une chose que si t'as vu le film, puis t'as vu les scènes de combat, on dirait qu'ils ont découvert les caméras à la 300. Tu sais, les caméras slow motion, là. Quand ils donnent les kicks, puis les affaires, ça a l'air à fesser. Ben, t'as les slow motion weird à la Umbach, à la 300. Ouais. Puis le pire, c'est que t'as la grosse caméra à haute vitesse qui fait des scènes weird. Puis après ça, à chaque temps en temps, là, t'as Riley Rutter qui voit une belle fille. Puis là, ça, ça va en slow motion, mais là, c'est plus la caméra à 300 frames la seconde. Oui, mais c'est plus la caméra à 300 frames la seconde. Là, c'est la vieille caméra. Fait que là, c'est le slow motion saccadé. Fait que comment est-ce que tu peux faire les deux? C'est pas constant. Ah, mais c'est du art style. Il voulait que ça soit dans. Oh my god, du art style. Ah oui, Bollywood. Il y a juste ça. Mais c'est juste de l'art. J'essaie de figurer, c'est d'autres choses que je veux dire parce que je dérape au bout. J'en ai. Ah, les femmes indiennes. Je regardais ça avec ma femme. Puis j'avais pas le choix de dire my god que les femmes sont fucking hot là-dedans. Puis ils ont une manière de figurer, une manière de faire du sexuel en restant conservateur. C'est tout weird. En dansant et chantant. Ouais. Tout en dansant et chantant. Tout là, passe mieux quand tu chantes. T'as les genres de robes, habits, femmes, multicouleurs, mais ils ont toujours comme les waist. Ils sont très forts sur les belles, ouais. Les belles midsections. Ceinture fléchée, là. Les grosses, là, qui brillent. Oh my god. Ils ont-tu peut-être des affaires dans le front aussi? Il y en a une couple, mais c'est pas des. Tu sais, c'est pas. C'est religion, ça. Le, oh, okay. Le, mais les femmes, là. Ont-tu des poches bananes? Hein? Ils ont-tu des poches bananes? Non, non, ils ont juste des beaux midsection puis des femmes, des faces super exotiques puis sont écœurantes. C'est vrai que c'est des belles. Puis à chaque séquence où ce qu'ils dansent là, c'est ça. Puis à chaque temps en temps là, ils dansent puis comme tu le gars il y a même une chanson Riley Rattles qui dit tu me séduis avec ton torso. Puis il répète comme 15 fois dans la chanson. Fait que là ceux qui nous écoutent. Essayez ça dans votre entourage, puis dites-nous si ça marche. Tu me séduis avec ton torso. Oui. Oui, mais ça fait différent que. Ça fait différent. Mais ça fait différent, tu me séduis avec tes fesses. C'est vrai. Mais tu sais, tu dis ça à quelqu'un, tu me séduis avec ton torso, puis t'écoutes du New Order. Puis là, parce que. Ouais. Je m'excuse. En tout cas, je sais pas quoi d'autre dire. Puis Schlock, c'est vraiment pas bon. Mais c'est correct, je comprends le trip de Schlock. Mais c'est pas pour moi. Puis l'humour des années 70, là, le satire américain, early 70s, ouais. Là, je m'excuse, là, mais c'est... Puis je suis un fan d'humour, là. Mais... C'était très trippy aussi, drug, dans le non, temps, les styles, fait que... Mais une bonne annonce. C'est qui le réalisateur? Encore, j'ai oublié, c'était qui le réalisateur? John Landis, John Landis. Une belle anecdote que j'ai découvert sur le film, par exemple, c'est qu'il voulait faire un porno. Mais il a réalisé qu'avec... Avec la gorille? Non, il voulait juste faire un porno. Son okay, premier film, okay. Il voulait faire, c'était un porno, mais il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il deal, toi, des criminels. Puis du monde du underworld. Fait qu'il a décidé, fuck le porno. Je vais juste faire ce film weird-là. Fait que, ouais, j'ai pas mal dit toutes mes notes. J'en ai skippé une coupe. La vraie question, Eric. Chin-tata-chita-chita, très bonne toune. Écoute-les, Google-le. Hey, je pense qu'on va mettre le lien sur la page. Ben, il va falloir que tu mettes ça. En tout cas, tu vas checker ça sur le... Toi, t'as de la job avec l'image cette semaine, ouais, hein, je pense. Chin-cha-cha-cheetah. Tu pourrais mettre Chester Cheetah. Non, on répète, là. Chin-ta-ta-cheetah-cheetah. Chin-ta-ta-cheetah-cheetah. Tu m'écriras ça en privé sur Facebook. Ok, avec... Non, okay. Je vais te l'écrire en public. Mais là, Eric, tu dois remettre le flambeau cette semaine. Je remets le flambeau. Je veux pas aller trop vite, trop long sur le remettage du flambeau. Je dois dire que initialement c'était pour Mel, mais ça sera pas pour toi, Mel. Puis pour ça, je suis vraiment désolé, mais c'est à cause que j'ai vu Melter sur Facebook. Et ça m'a dit, comment... Tu sais, j'ai un nouveau ordi, c'est super cool. Y a-tu des jeux à me suggérer gratos sur Steam? Fait qu'à cause qu'il voulait un jeu gratos, j'ai dit, ben, je vais le faire essayer un jeu sur son ordi que je voudrais qu'il nous explique tous les détails de comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu vas y faire? J'aimerais ça qu'il nous explique tout comment est-ce que ce jeu-là est, c'est quoi la raison, comment est-ce que tu gagnes. Mais j'aimerais avoir un game save du jeu, voir preuve que tu l'as joué. Puis en plus de ça, t'es plugé live en plus, tu dis non, je veux une save game. Il s'est préparé pareil. Je sais même pas comment t'amener une save game par exemple. On va figurer ça. Une chose est certaine, c'est que je vais avoir des questions de prêtes au prochain tournage pour faire sûr que tu l'as joué. Parce que oui, je l'ai joué. Puis j'ai joué avec ma femme, mais en tout cas, je m'excuse. Mais je vais aller Non, mais ta femme, ça a joué avec toi, elle était pas mal consentante. Là, elle devait aimer ça, ouais. Pas à t'excuser, tu sais, c'est. Fait que, As Seen on CTV. Qu'est-ce que tu y as amené là? Ah, c'est un jeu de Desperate Housewives. Oh my god, what? Faut que tu connaisses la série, j'ai jamais écouté ça. Encore mieux. Hey, t'as peur, regarde-moi donc mon Hamilton. Je peux-tu, peux-tu installer ça sur mon ordi? Ouais, c'est PC. Non, c'est pas ça, mais des fois, il y a des jeux qui sont tellement de la merde puis vieux. Pour une petite compagnie qu'on connaît de rachat de jeux, là, on a une couple d'années. Ah, ouais. Puis il y avait une femme qui faisait des critiques pour Canoë ou je sais pas qu'est-ce qu'elle travaillait. Mais à chaque Noël, elle venait cacher in tous ses fucking jeux qu'elle recevait gratos. Puis une année, elle est arrivée avec plein de jeux. Donc, puis ça. Ça, non, mais celle-là, c'est parce qu'il était pas dans le système. André, t'as-tu ça dans le système? C'est du PC, ça se rachète. Fait qu'on rajoute pas. Fait que tous les jeux de PC que je peux pas racheter, elle dit fuck off, elle me donne tout. Ça, ça n'était pas. Il y a 5 disques. 5 CD. C'est même pas des on DVD. On parle de CD là, en plus. Là. Si, ouais. Ouais, ben, je vais jouer à ça. C'est quoi le but du jeu? Faut que je séduise la rue. Tu vas tout m'expliquer ça. Faut que tu regardes Terry Hatcher pendant un an. C'est une bonne manière de commencer et d'apprendre comment ça fonctionne ton HP. Ça tombe bien, je m'en vais à Québec la semaine prochaine. Je vais jouer à ça. Ben écoute, honnêtement. Y a-tu quelqu'un qui meurt là-dedans, au moins, quelque chose? Là? Y a-tu, faut-tu que je fasse un crime à un moment donné? Ou faut, non, juste, mais... faut vraiment que je séduise juste la rue de au complet? Toute la là. Gang! Milter, Desperate Housewives. Ben, non, mais... parce que pour Mel, je pouvais pas Mel. Je... Elle aimerait ça. Non, mais. Ben, de toute façon, je trouve que ça a été plus drôle avec toi, anyways. Oh, ben là, c'est à cause que tu, c'est à cause que tu vantais ton nouveau ordinateur que tu voulais des jeux gratos. Fait que n'en voulais un. Ben, c'est bon. Techniquement, c'est un ordi de job, mais je pense pas que ça va leur déranger que j'installe Desperate Housewives dessus. Ben, écoute, garde, tu vends-tu du Desperate Housewives? Non. Non? C'est ça. Je pense pas. Et puis, il est en français en plus, hein? Ça peut être en plus. En plus. Puis tout le monde sait que j'haïs mes jeux en français. Oh, boy. Fait que, Milter, on sait qu'est-ce que tu vas faire à Québec. À Québec. Je vais faire ça le plus possible. Là. Donc, mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir passé les deux dernières heures avec nous. Je pense qu'on a bossé un petit peu cette semaine. C'était l'épisode 6 du collectif. J'en avais tellement plein d'autres à dire en plus. Ouais, mais tout, ben, regarde, je pense que. J'avais fait un top 5 films de Noël. J'ai dit ça de même. Ben, écoute, donner une idée. Là. Dans deux semaines. Là, c'est encore Noël. C'est encore Noël, ouais. Techniquement. Au pire, on peut faire un. On parlera de ça hors ronde, mais on. Ouais, un spécial Boxing Day. On peut s'organiser quelque chose avec ça. Donc, mesdames et messieurs, mon nom c'est André Paquette. Suivez-moi sur Twitter au OzumakiQC. Éric Hébert. Suivez-moi au Montréalien, at Montréalien sur Twitter. Jonathan Milter. Followez-moi sur Twitter. Zombie Milter. Ou Facebook. J'étais assez facile à trouver. Il n'y en a pas tant que ça des Milters sur Facebook. Puis vendredi prochain, j'ai été invité par mes amis les Geekers comme invité spécial. Je vais aller faire un épisode avec eux autres spécial Fin du monde. Fait que connaissant les Geekers et leur instabilité des fois de sortir des épisodes, vous devriez entendre ça d'ici un mois. Hey, tu dirais allô à Steve. Salut à Steve. Steve au 3E. Steve. Ouais, c'est un des Geekers. Donc, ouais, tu remercieras de la part d'André et Eric à Steve de nous avoir invités aussi. Je vais. C'est pas avec Steve que j'ai parlé. C'est correct. C'est bon pour ça. Fait que si vous m'écouterez là, vous me suivrez aussi. Cool. Puis, excellent. Je vais plugger notre podcast. Parfait, ça. Moi, je n'ose plus donner mon Twitter. Toutes les personnes qui t'envoient des messages. C'est un peu abusif, hein? Une fille geek à star, t'as dit. Ben, il n'y en a pas d'autres, ou presque, dans scène podcastienne, balado diffusion. Même dans scène québécoise, je vous dirais, qui connaît vraiment ses chiens. Il n'y a pas vraiment de femmes au Québec. Ben, c'est ça qu'il faut dire. Va pas au Saguenay, là, tu vas te faire un challenger. Comment Sept-Îles, là? J'ai entendu qu'à Sept-Îles, il y a autant de belles femmes que d'arbres. Hey, bo-boy. Il n'y a pas grand arbre à cette île, ça veut dire? C'est quoi, c'est un... Je ne sais pas, c'est pas une plage. C'est au-dessus de la ligne de ah, d'arbre. Ah, ouais, non, ça se pourrait. Ben, en tout cas, Mélanie, merci. Mais c'est la grande geek avec 2-3 à la place de geek G. Au pire, elle va vous bloquer. Mais s'il vous plaît, les freaks, vous avez ce nom, je ne sais pas que c'est pas... Fait que pas de photos de pénis. C'est pas hautain ce que je dis, mais c'est un peu freak quand je me fais envoyer des messages spéciaux que vous m'avez dit sur Facebook en même temps puis que vous likez 53 photos de mon Instagram, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais t'en poses tellement des belles faire photos ça pour toi, Mel. Fait dans le fond, je suis mieux d'effacer mon faux compte. Je crois que tu commences à me faire peur. Donc merci à tout le monde. Moi, on ça vous m'arrive souhaite tout le temps en passant là, mon Instagram là, il est complètement harcelé par des femmes là, ça m'énerve au bout. C'est dur, c'est dur. Fuck. C'est très dur là, c'est weird là. Surtout que tu poses rien que de la photo de bouffe. Des œufs, des salades. Puis des minous. Des minous. Des chatons, puis de la bouffe. Ouais, vous suivez moi sur Instagram? Ah ouais, mais c'est sûr. T'abonner. Fait qu'on va vous souhaiter à tout le monde un bon temps des fêtes. On revient dans deux semaines, fait qu'on va leur souhaiter. Ben peut-être, on sait pas. Regarde, on va voir comment que nos horaires coordonnent. Ouais. Plein d'affaires qui peuvent arriver d'ici ce temps-là. Sinon, on va venir en janvier. Sinon, début janvier, on va être là, c'est sûr et certain. On va essayer de vous faire un autre épisode d'ici la fin de l'année. Anyways, on a jusqu'au 21 décembre pour faire un épisode. Oui. Parce qu'après ça, c'est la fin. C'est la fin. iTunes est down après Skynet ça. S'active, iTunes plante, puis c'est le retour de Rose Wallet. Vous autres, vous pensez que c'est quoi, des robots ou des zombies qui vont nous tuer le 21? Ben écoute, j'aimerais ça des zombies. Plus le fun. Un robot, je truste pas ça. J'avoue. Puis je close-tu le podcast avec ça, moi? Ouais. On truste pas les robots. On truste pas les robots. Merci à tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.